Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Effectivement, Mickaël à la radio, on est là jusqu'à 9h30. Ça a passé une bonne nuit, Julie, en pleine forme? Bah oui, je suis en pleine forme. Oh bah oui, ça a l'air. Surtout, je suis un petit peu étonnée que Top soit à nos côtés, alors qu'en général, à cette heure-ci, il est toujours à la machine à café. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais là, non, j'ai pas eu le temps de faire mon café. Ouais, mais t'inquiète pas, il va trouver le temps, comme ça, il pourra faire le mien, Dieu. Ah bah voilà. Bah oui. Bah ouais, bah, il va prendre 5 minutes, elle va bien prendre 5 minutes. Bon, t'as pas bien aussi, passe un bon jour férié. Écoute, j'ai passé un très bon jour férié. D'accord, bah tant mieux alors. J'ai dormi. Ouais, bah c'est bien aussi, c'est bien. Voilà. Et contrairement aux autres radios, nous avons pris qu'un seul jour férié, hein, pour un jour férié, ce qui est normal. Pas, hein. On a pas pris la semaine complète. Oui, bien sûr, mais bon. Je me suis sentie très seule, c'est vrai. Mais bon, Doudou était là quand même. Hein. Doudou était là, oui. Doudou était là, il fallait le dire. Mais fallait c'est le pas dire. Pareil. Hein. Mais oui, je sais. Mais là, nous sommes en pleine forme, nous sommes là avec les bras remplis de cadeaux, puisque hier on n'a rien filé. Donc bon, forcément, aujourd'hui, on est chaud comme la braise. Écran plat à gagner. Il y a des packs Nintendo Wii encore. Profitez bien des packs Nintendo Wii, parce que bientôt, il n'y en a plus. Il y aura aussi les remboursements des factures, comme chaque matin. 63-22 en débutant votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture à envoyer, donc au 6322 code facture. On aura aussi les jeux Football Manager 2012 avec une petite question rapport à la Champions League hier. Voilà, j'en dis pas plus, mais comme ça prenez quelques notes, allez chercher quelques infos si vous n'avez pas regardé les matchs de la Champions League. D'ailleurs, on en parlera évidemment avec Julie dans quelques instants, notamment au niveau de gang, bien évidemment, du Barça aussi qui s'est qualifié. Enfin bref, on en parlera dans quelques instants. Et puis bien entendu, nous aurons la ligne anti-relou qui va fonctionner pas mal ce matin. On va faire chier du monde aussi ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire chier, Taf, du coup? Bah écoute, on va appeler des gens pour vendre ma mère. Pour vendre ta mère. Excuse-moi, Tu vas vendre ta mère. Voilà, oui, explication tout à l'heure. D'accord, ok, très bien. Donc Tov va vendre sa mère tout à l'heure. Ben écoute, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Et puis ça va lui faire plaisir, parce qu'apparemment elle écoute de temps en temps le matin. Mais elle écoute très souvent. Écoute, ça va lui faire d'autant plus plaisir. Tout le matin. D'accord, ok. Ça va lui faire encore plus plaisir. Tiens, c'est parfait. Bon, donc tac, d'accord. Hein, Tov va essayer de vendre sa mère tout à l'heure. Il y a pas de problème. Nous aurons également les meilleurs moments de. L'amour est dans le pré. Et oui, d'habitude c'est le mardi. Bon, hier évidemment c'était relâche, donc aujourd'hui on est un petit peu décalé, on est au mercredi. Mais c'était donc avant-hier, l'amour est dans le pré avec Julie Taton. Bon, ça c'est un détail, mais il y a surtout nos amis débiles. Oui, nos amis gentlemen farmer. Nos amis gentlemen farmer, exactement. Nous aurons l'occasion de regarder ça tout à l'heure, enfin d'écouter ça tout à l'heure évidemment. Les meilleurs moments de l'amour est dans le pré, bien évidemment. Les infos de Julie, ce sera dans quelques instants. Et puis bien évidemment, la possibilité, comme je le disais, de repartir avec un écran plat ou avec les packs Nintendo Wii, si vous avez la réponse à la devinette qui colle. Écoutez-la bien. Souvent causée par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. Qui est-elle? On peut également l'appeler Gaston. Si vous avez la bonne réponse, je vais pas donner la bonne réponse là. Souvent causée par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. Qui est-elle? Je savais pas que ça servait à manœuvrer un bateau. Ah si. Voilà, donc ça sert surtout à, en fait, si tu veux, quand t'as ton bateau qui est pas loin d'un je sais pas moi, du port, il est collé un truc, tu l'utilises pour pousser le bateau plus loin, pour pouvoir démarrer sans le griffer ou un truc comme ça. Donc voilà, mais on peut l'appeler également Gaston. Voilà, donc si jamais vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un euro le message. Vous repartirez peut-être avec un écran plat ce matin ou les packs Nintendo Wii. On salue également tous ceux qui sont qui nous suivent sur le Facebook, facebook.com ou Twitter aussi, et Mickaël officiel dans les deux cas si vous voulez nous rejoindre sur le Facebook ou nous suivre sur Twitter. Donc c'est Mickaël officiel, tout simplement. Dans un instant, il y a les MFAO qui arrivent avec Sexy and I Know It. Et à 6h28, passons à l'info maintenant sur Fun Radio avec Julie Denayer. J'essaie de faire comme hier, hein, la petite voix là. Bonjour à tous, le cabinet grec réuni en session extraordinaire cette nuit a approuvé à l'unanimité le projet de référendum sur le plan de sauvetage annoncé lundi par le Premier ministre Georges Papandréou. Les bourses européennes avaient dégringolé hier suite à l'annonce d'organiser ce référendum. Que va-t-il se passer si le non l'emporte? Le risque est que la communauté traité international coupe l'arrivée d'argent et que le pays finisse par quitter l'euro, il y a de quoi inquiéter sérieusement les investisseurs. Les banques ont déjà accepté d'effacer 50% de leurs créances sur la Grèce dans le cadre du plan anti-crise mis en place très difficilement la semaine dernière. Au sommet européen de Bruxelles, l'accord européen est critiqué en Grèce pour l'abandon de souveraineté qu'il implique. Ce projet de référendum en Grèce va bouleverser la donne au G20 qui doit avoir lieu à Cannes, en France, demain et vendredi. Le Premier ministre grec Papandréou assistera d'urgence ce soir à Cannes à un mini-sommet de crise réunissant les dirigeants allemands et français Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, les responsables de l'Union européenne et la directrice générale du FMI Christine Lagarde. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont déclarés mardi déterminés à faire appliquer le plan de sauvetage de la Grèce. Chez nous, les régions demandent une concertation entre les experts du Conseil supérieur des finances et les responsables régionaux en charge des pouvoirs locaux. Objectif, s'assurer que les discussions budgétaires soient menées sur base de données exactes et récentes, et ce compris celles relatives aux pouvoirs locaux. Les ministres présidents concernés regrettent que le Conseil supérieur ait toujours recours à des données statistiques obsolètes pour les pouvoirs locaux et s'attendent à ce que le formateur invite le bureau à ajuster ses prévisions 2012. Incendie suspect sur des cafés de Courtrai pour la troisième fois. Un incendie a ravagé hier à l'aube un café dansant à Courtrai. En septembre, le Mouréa à Wilsbeke a connu le même sort, alors que la semaine dernière, c'est Lacoté à Waregem qui a été victime d'un incendie. À ce stade, aucun élément ne permet d'établir un lien entre les trois cas. Sport, football, en quatrième journée de la Ligue des Champions, belle performance de Genk qui a réussi à arracher à Chelsea un score d'un but partout. On retiendra également que le Milan AC a fait match nul avec Bate Borisov 1-1. Le FC Barcelone a battu Victoria 4-0 et le FC Valence a battu 3-0 Bayer Leverkusen. Et ben voilà, j'espère que vous avez bien écouté ces infos. Ça vous permettra de repartir avec peut-être Football Manager 2012, le jeu Sega qu'on vous file toute la semaine. Comme ça, vous êtes tenu au courant. 6h31 sur Fun Radio. Dans un instant, restez là. Il y a les MFO qui arrivent avec Sexy and I Know It. Et puis, nous allons maintenant faire un tour du côté de la météo. Pour débuter la journée, on allume les feux anti-brouillard. Pas mal de brouillard. Ouais, j'ai vu ça ce matin, ce violent. Matin. Et bonne nouvelle, les nuages se dissiperont peu à peu et le soleil s'imposera. Le mercure grimpe de 15 à 19 degrés avant le retour d'une nouvelle perturbation dès demain. Eh ben, quelle bonne nouvelle, tiens. Quelle très bonne nouvelle, même. Enfin, bref. 6h32. Oui. Bah oui, oui. Temps oui, pourri oui, qui va arriver, là. C'est quand même dommage. Oh, mais attends, beau avant-hier, beau oui, demain, oui, beau c'est aujourd'hui, vrai. Ça va. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, passons à l'info en plus maintenant sur Fun Radio à 6h32. Alors, la semaine dernière, Facebook a dévoilé deux nouvelles applications censées augmenter la sécurité de ses utilisateurs. Ouais. Alors, à cette occasion, le réseau social a édité une infographie assez complète contenant un chiffre qui était passé inaperçu jusque maintenant. En fait, plus de 600 000 tentatives de hacking de comptes se font chaque jour sur Facebook. Ah oui, quand même. C'est énorme. Bah, c'est énorme quand tu compares au nombre de personnes qui ont Facebook. Finalement, c'est pas tant que ça. Oui, c'est vrai. Donc oui, ça forcément. Mais hein, quand tu comptes que 600 000 connexions sont compromises chaque jour, c'est quand même assez énorme. Donc tu peux te dire que il faut faire super attention, bien protéger ses données, etc. Parce que ouais, quand tu entends ce chiffre-là, tu penses que Facebook est super protégé. Tu entends que t'es tranquille. Tu peux mettre toutes tes informations, tes photos personnelles. Eh ben en fait, du tout. Il faut faire super gaffe. Il faut changer régulièrement son mot de passe, prendre des mots de passe super compliqués. Et il y a une vidéo virale qui tourne pour le moment, malheureusement, à la radio. Je peux pas vous la montrer forcément, mais ça fait super peur. Ça montre un type qui va venir chez toi pour t'agresser après avoir été sur ton compte Facebook. En fait, l'ordinateur va chercher lui-même où est ton compte Facebook et il est intégré dans le film. En fait, ça fout assez. Ouais. Bah, on peut la mettre sur le site éventuellement là. On va la mettre sur Facebook, exactement. Voilà. Donc faites attention, bloquez bien vos comptes Facebook, 600 000 hacking par jour. Hacking, exactement. Bon, bah très bien, bah voilà, comme ça vous savez, faites attention si vous êtes sur le net, on sait jamais. Bon, en même temps, je pense pas que vous ayez eu besoin de nous pour faire attention. En tout cas, j'espère pour vous. Mais bon, j'espère aussi, ouais. Retour dans un instant, des écrans plats à gagner, écrans plats ou les packs Nintendo Wii ce matin à gagner. Donc si vous avez la réponse à la devinette qui colle, souvent causée par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. On proposait une canne. Ce n'est pas la bonne réponse parce que ça n'a rien à voir avec Gaston, bien évidemment. Proposer une perche, non, parce que c'est un mot que j'ai dit dans l'énigme. Donc ce serait ridicule de poser une énigme avec la réponse dedans, évidemment. Donc la bonne réponse au 63 22, un indice. on peut également l'appeler Gaston. Ou alors, en général, quand quelqu'un est super grand, on dit oh là là, la grande. Dis donc, t'es une grande. Ah, mais d'accord, ok. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance, tout le monde. Dans un instant, il y aura encore une petite info avec notre amie, évidemment, Julie, comme d'habitude. Il y aura Tini T'aime pas tout à l'heure. Et puis, on va s'écouter le son des MFAO maintenant sur Fun Radio. C'est Sexy and I Know It. Bon, bonne matinée et bon mercredi, 6h34. Je suis désolé, j'ai commis une erreur en donnant un indice à la devinette qui colle. Je suis confus. C'est parce qu'il y a l'auditeur qui avait dit perche. J'ai dit bah non, c'est pas une perche. Et après, je donne un indice en disant en général, on peut dire que c'est une grande quand on voit quelqu'un de grand, une grande perche. Mais en fait, non, c'est moi qui suis complètement idiot. Je suis désolé, mais à culpa. Ce n'est pas la bonne réponse. Je suis totalement confus. Voilà. Par contre, restez plutôt sur Gaston. Hein. Oui, restez bien dessus. Ouais, ouais. Gaston la perche, moi j'avais pas compris. Ouais, Gaston la perche, c'est moyen, effectivement. Donc souvent causé par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. Qui est-elle? Donc voilà, c'est un truc qui sert à pousser le bateau quand on est trop près d'un bord, du bord par exemple. Donc pensez à Gaston, donc Gaston justement. Et en général, on les commet quand on est relativement maladroit, effectivement. On fait souvent des « Oh merde !» J'ai fait une perche. Ah oui, j'ai pas fait une perche justement. Enfin bref. Bon, et parlons également de Scarlett Johansson qui est aussi Eh bien, Scarlett Johansson, on se rappelle, j'en avais parlé évidemment il y a quelques semaines, qu'il y avait des photos d'elle toute nue qui avait. Oh, ça, je pense que ça. Ouais, ah si, bien ah, si, resté si, dans ça, votre. Oui, effectivement. Oui, dans votre cerveau. Toujours disponible sur le blog. Hein. Oui, mikl.fm pour aller voir. Voilà, donc il y a quelques semaines, on avait parlé de ces photos qui avaient été dévoilées sur Internet, des photos de Scarlett Johansson. Elle se prenait elle-même en photo avec un jeu de miroir. On voyait toute sa plastique, en tout cas ses fesses. Ouais. Et donc, ces photos avaient été volées dans son téléphone portable. Et ça y est, elle s'est confiée dans la presse concernant ces photos et elle explique un petit peu à qui étaient destinées ces photos. En fait, elle... Alors qui? Eh bien, tout simplement, son ex-mari, Ryan Reynolds. Ouais. Donc voilà. Si tu reviens, tu pourras les retoucher. Non, pas du tout. En fait, c'était il y a 3 ans, elle lui avait envoyé ses photos. Et donc, elle explique que c'était quand même pas si grave. C'est pas comme si qu'elle tournait dans un film porno. Et elle explique d'ailleurs, même oui, si c'était un vrai. Porno. Oui, c'est vrai. Et puis en même temps, c'est tellement bien pour tous ceux qui peuvent regarder. Oui, d'accord. Oui, mais c'est assez rigolo parce qu'elle répond de façon assez drôle en disant c'est pas comme si je tournais un porno, bien qu'il n'y ait rien de mal à ça non plus. Oui, peut-être oui. Que bientôt, on ne sait pas. Et oui, bientôt la sextape voilà. De Scarlett elle Johansson. Elle a même plaisanté en expliquant que maintenant elle connaissait son meilleur profil. Bah, c'est ça, exactement. Oui. Et nous aussi, on le connaît pour le coup. Hein. Alors, tu vois, c'est sûr. C'est assez rigolo parce qu'elle était quand même très très fâchée à la base hein, de cette histoire, ce qu'on peut comprendre. Ce que je peux concevoir, effectivement. Tu sais, c'est le genre de truc, t'es énervé sur le moment et après tu relativises, tu dis ouais, c'est qu'une photo de mon cul, quoi. Ouais, enfin, quand même, on voyait bien ses fesses. Hein. Mais donc, le pirate qui avait piraté son téléphone portable pour voler ses photos a été, lui, arrêté. Oui, il est pirate. Il est pirate. Ouais. Ça y est, il est en prison. Il est en prison, oui. Elle avait quand même contacté le FBI. Pour l'arrêter. Ah ouais, donc, non, mais elle a les moyens, elle, hein, t'inquiète pas. Le FBI a bien fait son boulot. Tu m'étonnes. Bon, bah très bien. Si vous aussi, vous avez d'ailleurs des photos de vos fessiers, n'hésitez pas à nous envoyer ça de manière à ce qu'on puisse évidemment le communiquer partout. Hein. On fera ça, bien évidemment, avec nos amis de Voici, etc., de Public et tout ça. Hein. Évidemment. Nous aussi, on peut rendre service. Ah bah oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, justement, il y a bientôt une photo de Julie qui va apparaître. Hein, donc, Je ne crois pas, non. Ah, mais toi, tu ne crois pas, mais tu verras, tu seras surprise. Ce sera comme Scarlett Johansson. Ouais, parce que si tu savais tout ce que Chouchou nous envoie. Franchement. 6h40 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Dans un instant, nous écouterons évidemment les meilleurs messages de la ligne anti-relou. Nous aurons aussi du son à vous faire écouter. Évidemment, ce qui va arriver avant 8h du mat, il y aura Tayo Cruz avec Florida avec Hangover. Et puis, on va écouter aussi Tini Tempa avec Wiz Khalifa. Till I'm Gone sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est mercredi. Nous sommes en direct, contrairement aux autres, jusqu'à 9h30. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. Il est 6h45 sur Fun Radio. Bah bon réveil tout le monde. Nous allons maintenant faire un tour du côté de l'infotrafic avec Julie. Que se passe-t-il sur les routes à 7h15? Prudence, on nous signale un objet encombrant sur le 17 en verse en direction de Courtrai à hauteur de Les de Barque. Un camion est en panne sur la 26 Neuchâteau-Bastogne en direction de Liège à hauteur de Remouchamp. La bande de gauche est obstruée. Accident sur le 40 Bruxelles en direction de Ostende à hauteur de Zeynard. La bande de gauche ici aussi est obstruée au kilomètre 44. Voilà, et si vous êtes témoin d'un problème sur les routes, n'hésitez pas bien sûr à transmettre transmettre l'information en envoyant votre message au 3044 ou alors tout simplement sur le mail mikael@funradio.be. Vous envoyez tout ça et puis nous on lit les messages à l'antenne de manière à prévenir tous ceux qui sont sur la route et tous les auditeurs de Fun d'éviter éventuellement un endroit où de lever le pied à cause d'un radar. Voilà, Tini Tempa arrive dans un instant avec Wiz Khalifa, ce sera Till I'm Gone, mais avant cela, bien sûr, comme chaque matin à cette heure-ci, la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 0013. Fun Radio. La ligne anti-relou sur Fun Radio tous les matins. Le numéro à retenir, donc 0473 86 0013, le numéro à retenir, puisque vous allez pouvoir le donner à tous les relous que vous allez croiser. Des relous en boîte, des relous au travail, des relous parce que c'est votre boss, des relous parce qu'il y a un flic qui vous met un PV, il vous demande votre numéro de téléphone, faut lui donner ce numéro-là. Bref, numéro à garder précieusement dans le coin de sa tête, 0473 86 0013. Et regardez, ça a déjà pu servir à pas mal de gens. Oui, bonjour Jennifer, je t'ai ajouté sur Facebook, je te trouve vraiment sublime, si tu fais ma connaissance, il n'y a pas de souci. Je te dire, t'avouer que je me masturbe régulièrement en regardant des photos, tu es vraiment trop cracante. Oh mon Dieu, attendez. Ah oui, sympathique. Mais ça donne envie d'appeler. C'est horrible. Ah oui, ça donne envie de rappeler. Donc il pensait vraiment que... Oui, ok. Bien sûr. Mais ça n'excite pas du tout. Je pense qu'un mec, ça pourrait l'exciter si une fille lui dit ce genre de choses. Mais nous, les filles, ça ne nous excite pas du tout. Peut-être toi, parce que t'es frigide. Mais pas du tout, mais vraiment pas. Quoi. Ça t'excite pas d'imaginer le mec le poireau à la main. Non, c'est bon. Bon, deuxième message. Vous avez vu, parce que par exemple, elle, ça l'a sauvé. Hein, comme quoi, vous voyez que cette ligne fonctionne. Deuxième message, est-ce que ça a également sauvé cette personne? On verra. Angèle, c'est Fred. Je suis devant le Minot ici, la boîte échangiste. Il y a une demi-heure que je t'attends. Bon, je suis sous. Il y a des femmes terribles qui rentrent. J'espère que tu viendras. Comme car nous sommes à deux, c'est moins cher. Allez, j'espère que tu vas venir. Sinon, je rentre. Je t'attends. Oui, c'est pas parce que j'ai envie de faire un truc avec toi. Non, c'est parce que du coup, c'est moins cher sur les deux. Donc, si tu pouvais rapiquer rapidement. C'était un peu moche, mais bon, comme ça me coûte moins cher, je veux bien y aller avec toi. Ce serait plus pratique, évidemment. Troisième message laissé ce matin sur la ligne anti-relou. Ouais, allô, Laurent. Bonjour, c'est Fab. Je t'appelle tout simplement parce qu'on était censé se voir ce matin à 9h et que là, ça fait précisément 1h17 que j'attends. Donc, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est quand même un peu froid dehors. Très gentil de quand même me rappeler. Hein. Tu as mon numéro, donc à tout à l'heure. Au revoir. Eh ben voilà. Bon ben voilà, vous connaissez le principe maintenant. 0473 86 0013, numéro de la ligne anti-relou. Si vous voulez balancer les messages, si vous voulez justement l'utiliser ce numéro pour que les relous balancent les messages, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans un instant, Tof va essayer de vendre sa mère. Et à 6h49, on va écouter l'excellent son de Tini Tempa sur Fun Radio avec Wiz Khalifa. C'est Till I'm Gone. Bonne matinée sur Fun. Et si vous aimez ce style de son d'ailleurs, rendez-vous tous les vendredis soirs sur Fun Radio entre 20h et minuit avec Vince et DJ Man, entre autres Keep It Real sur Fun Radio, qui vous fait d'ailleurs découvrir ce genre de son tous les vendredis soirs. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. 6h53 sur Fun, bonne matinée, je vais y arriver. Dans un instant, c'est l'info de Julie qui va débarquer. Il y aura Tayo Cruz aussi avec Florida et Hangover. Et puis je vous rappelle la devinette qui colle avant que Tof appelle des gens pour revendre sa mère. Souvent causée par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. Qui est-elle? J'avais dit penser à Gaston, mais également un auditeur sur le groupe Facebook qui m'a donné un autre plan. C'est Fred qui dit, pour ta devinette, un autre indice, Vincent du Big Deal. Et oui. Effectivement, le nom de famille entre guillemets, bien sûr, de Vincent du Big Deal. Si vous avez la bonne réponse, Vincent du Juste Prix. Du Juste Prix. C'est vrai. Il a évolué depuis. C'est vrai. Si vous avez la bonne réponse, il y a un écran plat. Bon, il en avait pas beaucoup avant. Un écran plat à gagner. Si avant il avait une couronne puis il a tout rasé en fait. Excuse-moi, il avait trois cheveux sur le côté. Oui. Trois tout de suite. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message et vous repartirez peut-être avec un écran plat ou des packs Nintendo Wii. Donc pensez à Gaston ou à Vincent du Juste Prix. Hein. Souvent causé par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. Qui est-elle? Bonne chance tout le monde. Et donc nous allons maintenant. Tu vas appeler qui du coup ce matin? Alors, je comprends pas très bien ton nom de lien. En fait, je vais appeler pour vendre ma mère. Donc, d'accord. C'est simple quand même. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau site qui vient de s'ouvrir qui s'appelle ventamère.com. Mmh. Ouais. Le slogan du site, c'est besoin d'argent, n'oubliez pas maman. Et donc c'est un peu comme eBay, tu remplis une fiche donc sur ta mère et tout. Alors il y a la description, j'en ai pris une au hasard comme ça. Donc c'est Christine. Alors Christine, c'est ménagère exemplaire. Christine est spécialisée dans l'entretien de votre foyer et orchestrera avec brio toute l'organisation de votre maison. Mais personne va acheter ça. Sa sympathie naturelle et ses conseils avisés vous seront d'une utilité à tous les instants. Non mais personne va acheter ça. Je veux dire, elle est assez bien ma mère. C'est pour ça que tu dis ça, que personne ne veut acheter ma mère, c'est ça? Non, bah, je me permettrai pas. Surtout qu'elle écoute, donc non, je me permettrai pas. Non, à ce temps-là, elle dort encore. Ah, d'accord, bon, ça va. Mais le réveil va sonner là dans 5 minutes. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, on y va alors. Hein. On va appeler où? On va appeler à Mété. C'est vrai qu'on n'a pas encore été à Mété. Allez, ouais. C'est parti, on y va, on appelle à Mété pour tenter de vendre ta mère. Mais je suis pas sûr du résultat, mais on verra. Hein. Je vais peut-être me tromper. Faut voir. Ouais, bah écoute, pour moi, c'est tout vu. Il faut y croire. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, bonjour, le site ventamère.com à l'appareil. Vous êtes obligé de nous faire chier à 6h du matin avec vos conneries? Bah attendez monsieur, je ne vous ai pas encore dit pourquoi je vous appelais. J'en ai rien à foutre. Bah monsieur, enfin. Ah, il n'a pas changé l'heure, les barons. Pas fort agréable. Enfin, on est toujours dans les 6h, tu me diras. Bon, bah c'est pas grave, on va le rappeler, il avait l'air tellement en forme, hein. C'est parti. Attends. Tellement sympathique. Tellement sympathique. Allez, c'est parti. Et Tayo Cruz arrive aussi. T'es obligé de me faire chier à 6h du matin. Oh. Oui, excusez-moi, mais vous pourriez au moins écouter pourquoi je vous appelle. Vas-y, je t'écoute. Voilà, je vous appelle parce que j'ai une mère exceptionnelle à vous vendre. Et donc, je pense que ce serait dommage que vous passiez à côté de cette offre exceptionnelle au prix défiant toute concurrence que je vais vous faire pour une mère dans un état quasiment impeccable, très peu servie, prête à vous rendre des services que vous n'imaginez même pas. Eh ben voilà, ah, il les a bien imaginés lui les services. Hein. Bon ben, si vous connaissez quelqu'un qui serait prêt éventuellement à acheter une mère, la mère de Toff en l'occurrence pour pas cher et qui pourrait s'énerver le matin, n'hésitez pas à nous donner les numéros. Pas cher, hein. Faut que j'y gagne un peu quand ouais, même. Ouais, non mais d'accord, n'hésitez pas à nous donner les numéros. Donc au 3044 par SMS, je compte sur vous. Allez, dans un instant l'info et avant ça, Tayo Cruz sur Fun Florida, c'est Hangover. Michael à la radio, tous les matins. Tous les matins, Michael est en direct sur Fun Radio. Radio. Tayo Cruz à l'instant sur Fun Radio avec Florida, c'était Hangover. J'espère que vous passez une bonne matinée sur Fun Radio. Il y a la faute Julie qui va arriver aussi. On va vous rembourser vos factures aussi dans un instant. Je vous explique comment faire, le temps de vous annoncer qu'il y aura Kerylson dans un instant aussi. Kerylson avec Nelly et Lose Control. Et juste après l'info, je vous expliquerai comment faire pour qu'on vous rembourse vos factures. En tout cas, ça arrive dans 10 minutes. Chez Krefel, vous êtes deux fois gagnant. Vous avez la garantie des prix les plus bas et la livraison et l'installation dans les 48 heures pour tous vos gros électroménagers. Il est 7h sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. C'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Le cabinet grec réuni en session extraordinaire cette nuit a approuvé à l'unanimité le projet de référendum sur le plan de sauvetage annoncé lundi par le Premier ministre Georges Papandréou. Les bourses européennes ont dégringolé suite à l'annonce de Papandréou lundi d'organiser ce référendum. Ce projet de référendum en Grèce va bouleverser la donne au G20 qui doit avoir lieu à Cannes en France demain et vendredi. Le Premier ministre grec assistera d'urgence ce soir à Cannes à un mini sommet de crise réunissant les dirigeants allemands et français, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, les responsables de l'Union européenne et la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont déclarés mardi déterminés à faire appliquer le plan de sauvetage de la Grèce. Chez nous, les régions demandent une concertation entre les experts du Conseil supérieur des finances et les responsables régionaux en charge des pouvoirs locaux. Objectif, s'assurer que les discussions budgétaires soient menées sur base de données exactes et récentes, en ce compris celles relatives aux pouvoirs locaux. Les ministres présidents concernés regrettent que le Conseil supérieur ait toujours recours à des données statistiques obsolètes pour les pouvoirs locaux et s'attendent à ce que le formateur Elio Di Rupo invite le bureau à ajuster ses prévisions 2012. Nos centrales nucléaires ont besoin d'investissements. Electrabel a rendu son rapport final sur les stress test effectué sur les 7 réacteurs nucléaires belges. Selon des sources proches du dossier, le rapport recommande des investissements importants. Les experts ont contrôlé les capacités de résistance des centrales nucléaires aux phénomènes naturels, mais aussi aux conséquences de l'activité humaine. Les investissements recommandés par le rapport seraient à réaliser principalement sur les 3 premiers réacteurs, Doule 1, Doule 2 et Tihange 1. Le fait de soumettre les centrales nucléaires à des tests de résistance a été décidé au niveau européen dans la foulée du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé en mars dernier. dernier le Japon et causé d'importants dégâts à la centrale de Fukushima. Bruxelles consomme moins d'énergie. En 2009, la consommation énergétique de la région Bruxelles-Capitale était en baisse de 3,3% par rapport à 2008. C'est ce que révèle le rapport bilan énergétique de la région Bruxelles-Capitale publié par Bruxelles Environnement. Ce bilan analyse la consommation énergétique de la ville entière, ses habitants, ses véhicules, ses bâtiments, etc. Et puis enfin en sport, football, en quatrième journée de la Ligue des Champions, belle performance de Genk qui a réussi à arracher à Chelsea un score d'un but partout. On retiendra également que le Milan AC a fait match nul avec Bat Borisov 1-1, match nul également pour Arsenal et Marseille 0-0. Le FC Barcelone a battu Victoria 4-0 et le FC Valence a battu 3-0 Bayer Leverkusen. Et oui, j'espère que vous avez bien écouté d'ailleurs cette info sportive puisqu'elle vous permettra de repartir dans un instant avec Football Manager 2012. Voilà, je vous en dis pas plus, ça arrive dans moins d'un quart d'heure. Et puis la météo également arrive avec Kerry Hilson et Nelly Lose Control sur Fun Radio. Allez, la météo justement, on en parle. On commence la journée en allumant ces feux anti-brouillard. Pas mal de brouillard dans chaque région. Et les feux anti-brouillard et le feu aussi parce qu'il fait froid. Hein. Oui, non. Pas très chaud. Froid, mais t'es malade ou quoi? Ouais, il fait pas super chaud. Hein. 15 à 19 degrés aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, mais là ce matin à 5h, il faisait pas super chaud. Ah si, il faisait chaud. Enfin bon, bref, il va faire doux et le soleil va s'imposer. Donc que des bonnes journées pour aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles pour aujourd'hui. On en profite parce que demain, retour d'une nouvelle perturbation. Ouais, il faisait chaud, c'est parce que t'as passé la nuit avec Chouchou, ça. Fun Radio. Fun Radio, il est 7h04. Dans un instant, le remboursement des factures, c'est au 6322 que ça se passe. Il suffit de vous inscrire avec le code facture, le montant et l'objet de la facture et on vous appelle dans moins de 5 minutes pour vous rembourser cash vos factures, comme là une facture de 86€ pour la taxe poubelle qui est arrivée également, 184€ pour l'assurance habitation AXA, il y a également 90€ pour un nouveau GSM, c'est Waiba qui avait envoyé le message, 149€ pour Belgacom. Bref, si vous aussi, vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, sachez que c'est simple, il suffit de nous envoyez votre petit message au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Déjà, bonne chance tout le monde. Et pour l'info en plus, qu'est-ce que c'est cette info en plus de ce matin? Alors toi, Mickaël, tu as vécu un petit peu à Paris, donc tu le sais. Et même, bon, enfin, c'est d'ailleurs de notoriété publique, Paris coûte très cher, très cher. Très cher. Et là, quand même, je suis tombée sur une annonce qui fait quand même assez mal et quand même assez peur. Vas-y, toujours. Donc c'est un immeuble câblé, digicode, gardienne, au 6e par l'escalier principal, 3 mètres carrés. Donc on propose 3 mètres carrés pour 29€. Ah oui, mais c'est pas cher. Hein. Donc ils vendent 3 mètres. Attends, 3, ouais, 3 mètres carrés, c'est la taille d'une toilette. Hein, et encore, hein, ah c'est oui, quand elle est ronde. Donc voilà, donc, alors, dans l'annonce, ils expliquent qu'il y a fenêtres, chauffage électrique, WC commun. Enfin, tu vois, ah oui, oui, donc, ça, heureusement, c'est ça. T'as pas le choix. Hein. Donc ils vendent 3 mètres carrés pour 29€. Donc la hausse des prix des logements dans la capitale française atteint des records. Donc en août dernier, on comptait plus 21,3% encore. Et puis, donc nouveau sommet, on vend quand même le mètre carré à Paris en moyenne à 8 350€. Oui. C'est énorme. Donc, ils vendent 3 mètres carrés pour 29€. Mais c'est pas compliqué. Écoute, j'ai croisé un pote qui habite à Paris sur Twitter ce week-end et il avait mis une annonce. Il dit cherche appartement 30-40 mètres carrés, 1 000€ par mois maximum. Ah ouais. Et il est prêt à payer 1 000€ pour un truc qui fait 30 mètres carrés. C'est horrible. Alors, les notaires parisiens s'attendent à ce qu'il y ait une stagnation de la hausse des prix. Bah, il serait temps. Hein. Il serait temps. M'étonne. Ouais. Mais cela dit, Bruxelles, ça commence à bien monter aussi. Hein, mais bon, on en est encore loin. On est loin de Paris, New York, Londres, etc. Heureusement. Ouais, mais ouais, ça commence à bien monter. Il y a Charleroi qui. Non, je plaisante. C'est. Oh, ça va, si on peut plus rire bien, maintenant. Non, hein. Mais justement, Charleroi, je crois que c'est le moment d'investir. Parce qu'un jour ou l'autre, ça ne ça va faire boum. Oui, mais est-ce que ça va imploser ou exploser? On ne sait pas. Bah, écoute, voyons. Bon, on verra en tout cas. Dans un instant, remboursement des factures sur Fun Radio. Je vous poserai aussi la question pour repartir avec le jeu Sega Football Manager 2012 qu'on vous file le matin dans Mickaël à la radio et le soir dans la libre antenne de Vince sur Fun Radio. 7h07, bon réveil tout le monde. C'est mercredi 2 novembre aujourd'hui et contrairement aux autres radios, nous sommes en direct. D'ailleurs, bonjour à tous les auditeurs des autres radios abandonnés par les autres radios qui terminent sur Fun. Bienvenue. Gary Hilson sur Fun Radio à l'instant avec Nelly. C'était Lose Control. 7h09, bon réveil tout le monde. On va vous rembourser vos factures maintenant. C'est parti. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Exactement, sur Fun on vous paye vos factures chaque matin. Je vous avais annoncé ça sur Twitter à l'instant pour ceux qui n'étaient pas connectés. Mais quelques-uns qui se sont dit du coup, ah merde, mais du coup je vais me connecter, j'étais pas à l'heure. Voilà. Donc 7h10, 8h10 et 9h10, on vous rembourse vos factures. Attention, on appelle maintenant au hasard. C'est quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 en débutant le message par facture. Et si il ou elle décroche, c'est gagné. S'il répond à la question évidemment que je lui pose, c'est-à-dire qui paye vos factures tous les matins sur Fun Radio. Enfin, pas sur Fun Radio, mais qui paye vos facture tous les matins. Voilà. Allez, c'est parti, on y va et je n'ai. Ah voilà, ça sonne, magnifique. On rembourse combien d'offres? 6892 euros. Attends, là, je crois que le boss vient de faire une crise cardiaque. En vrai, 66. 66 euros, très bien. Proposer 50 euros pour un chien dans un refuge. 75 euros pour être à Suisse. Moi, je propose 80 euros pour une nouvelle chaussure. Allô? Oui. Allô, bonjour. Oui. Qui rembourse ses factures le matin? Mike. Mais encore? Mike. Oh. Hein? Bon, et sur quelle radio? Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Allez. Un instant, attendez, je vais. S'il vous plaît, allez. Ça doit être le fils ou la fille qui s'est inscrite ou un truc comme ça. Allez, il faut que je demande à la fille ou à la petite ou au fils, la merde. Hé, hey, réveille-toi, espèce de con. Comment tu dis? La fille, c'est ça. Bon, alors, c'est quelle radio? Je sais plus. Hélas, c'est le drame. Moi, j'avais une facture à faire rembourser, donc c'est parfait. Eh oui, là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que tu en penses? Mais oui, mais non, Mike, c'était avant sur une autre radio. Moi, c'est Mickaël et c'est Fun Radio. Ah bah je suis déçu. Ah bah oui, bah, j'imagine. Bon bah c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois. Alors, comment tu t'appelles? Lolita. Bah écoute Lolita, je suis vraiment déçu, mais c'est pas grave, on va quand même t'offrir un petit cadeau, d'accord? Ah c'est gentil. Bah quand même, tu vois, on n'est pas des connards non plus. Hein. Bon, bah je te fais des bisous Lolita. On peut pas rembourser une plus petite. Ah non. Ah non Lolita, malheureusement non. Bah la règle est pas très compliquée pourtant, mais bon. Bon Lolita, je te renvoie chez toi au standard, on va quand même t'offrir un petit cadeau, t'inquiète pas. Gros bisous Lolita. Allez, au revoir. À bientôt. Et comme c'est pas tombé maintenant, eh ben, on remet le couvert à 8h10. Tous ceux qui, vont s'inscrire entre 7h10, enfin 12, et 8h10 auront des chances de repartir avec leur facture, car on ne sélectionnera que ceux-là entre 7h10 et 8h10. 58 minutes maintenant pour vous inscrire. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Je vous rappelle aussi vite fait la devinette qui colle. Souvent causée par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, eh bien vous envoyez la réponse au 6322, écran plat à gagner ou des packs Nintendo Wii. On peut penser également à Gaston ou à Vincent, hein, Vincent du Big Deal à l'époque ou du Juste Prix aujourd'hui sur TF1. Bonne chance tout le monde. Dans un instant, il y a Lucenzo qui arrive aussi avec Don Omar et Danza Kuduro. Voilà, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Il y aura aussi, bien évidemment, notre ami Doudou pour l'horoscope qui va débarquer sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Estérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël. Fun. À la radio. C'était le son de Lucenzo à l'instant avec Don Omar. Il est 7h18. Bon réveil tout le monde. Dans un petit instant, nous allons faire l'horoscope comme chaque matin. Et nous allons avoir aussi la réponse à la devinette qui colle. Évidemment. Mais avec oui. Pierre. Salut Pierre. Salut. Comment ça va Pierre? Bah bien dans les emboutes là. Oui, ah merde, c'est Pierre qui roule. Mais oui, non, bah en l'occurrence Pierre qui roule pas, hein, mais qui est un masque pas mousse. Eh oui. Où es-tu? Bon, tu es où Pierre là, qu'on sache un petit peu là. Là, je suis vers Halle, là, je vais arriver à Drogenbosch. Ah oui, hein. Bah E19 comme d'habitude quoi. E19. Toujours la merde. Bah ouais, bah toujours. Faut partir plus tôt, regarde, moi je pars à 5h, il n'y a pas de problème. Hein. Exactement, nous on n'a pas de problème, tu vois. Hein, moi je pars, moi, je pars à 7h et je commence à 9h et j'habite à quoi? À 40 km et je mets 2h. Bah ouais, bah regarde, ah, ici, ouais. Hein, tu partiras à 5h, t'arriveras à 5h30. Ouais. Bon, tu seras un peu en avance, c'est sûr, mais bon. Bon, dis-moi, alors tu as la réponse à la devinette qui colle. Souvent causée par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. Qui est-elle? La gaffe, eh ben c'est une bonne réponse, comme Vincent Lagaffe, Gaston Lagaffe, c'était les indices que je vous avais donné tout à l'heure. Vous avez répondu, et toi aussi en l'occurrence, ça te permet de repartir avec un écran plat ou un pack Nintendo Wii. Que choisis-tu? L'écran plat, eh ben il est pour toi, on va te filer ça, il n'y a pas de problème. Passe une bonne journée alors et puis bon courage dans les emboutes. Hein. Ben merci beaucoup et puis bonne journée à toute l'équipe. Hein. Eh ben merci, salut, à bientôt. Allez, ciao à toi, bye bye. Et on aura tout à l'heure aussi Sébastien Loeb en direct de la gare des Guillemins à Liège pour un petit Mickaël réveille la Belgique. Ça arrivera d'ici 30 petites minutes, mais avant cela évidemment l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope comme chaque matin sur Fun Radio et à 7h20 nous accueillons notre ami Doudou qui est là à nouveau comme chaque matin. Vous êtes content d'avoir eu un jour de congé, Doudou? Un jour de congé? Oui. Quand? Bah hier, Doudou. Ah ben c'est non. Ça, oui. Alors que toutes les autres radios, elles sont en congé, vous m'avez fait venir. Ouais, non, mais c'est parce que vous aimez ça. Ça vous manquait, sinon, là. Ouais, ça, c'est vous qui l'avez dit, hein, parce qu'en ce moment, tout ce qui me manque, c'est mon lit. Ouais, bon, allez, on va vite faire l'horoscope, là. Ça vous fera du bien, comme ça, vous allez pouvoir retourner au lit pendant 55 minutes. Ah, oh, bah oui, ça serait bien. Allez, on y va. Allez, les béliers. Les béliers, les béliers. Ah là là, ne rejetez pas sur vos collègues ou vos subalternes la faute de vos échecs. Les taureaux. Ah, ce serait bien, ça, que Mickaël, tu commences à comprendre. Oh, c'est ça. Hein, les taureaux. Ah, vous n'agissez pas toujours sereinement. Écoutez vos amis. Les Gémeaux. De nouveaux plans ou changements professionnels vous préoccupent un peu, mais c'est sans raison. Les Cancers. Rattrapez le retard afin que votre chef n'ait rien à redire. Les Lions. Créez le cadre pour pouvoir profiter des étoiles de l'amour qui vous sont favorables. Les Vierges. Il y a des gens qui veulent détourner votre réussite à leur profit. Les Balances. Vous allez remarquer à quel point vos finances vont bien. Vous y avez travaillé d'arrache-pied, eh bien continuez à le faire. Les Scorpions. La diplomatie et le tact sont vos points forts, alors ne vous laissez pas persuader que vous êtes un fou. Les Sagittaires. Vous n'arriverez à rien en voulant tout faire tout seul. Les Capricornes. Jouez vos atouts, gardez votre sang-froid et faites des exercices de concentration. Très. Ça va vous aider. Bah oui. Les Verseaux. Ne vous relâchez pas et soyez plus disciplinés. Très bien. Et enfin, pour finir, les Poissons. Gardez votre calme et surtout ne forcez sur rien comme moi. Faites pareil. Bah voilà, faites la même chose. Très bien. Allez, je vais me coucher. On vous retrouve dans une heure, Doudou. Et on écoute Gilou maintenant, Jennifer Lopez. Un petit souvenir, tiens. If You Had My Love sur Fun Radio, 7h22. Le son de Jennifer Lopez à l'instant sur Fun Radio avec If You Had My Love. Il est 7h24. Bon réveil. Dans un instant, c'est DJ Antoine qui arrive avec Tom Dice. Ce sera Sunlight. Et puis, dans un instant aussi, nouvelle devinette qui colle, ainsi que petite question pour repartir avec Football Manager 2012. Mais avant cela, c'est l'amour est dans le pré. Eh ben oui, c'est les meilleurs moments. Ce sont les meilleurs moments de l'amour est dans le pré. Et comme on n'était pas vraiment là hier, on n'a pas vraiment pu vous parler de l'amour est dans le pré. Encore un grand moment de télévision plein de tendresse et de compliments. C'est beau. La preuve avec Christophe, qui sait comment séduire une femme, comment dire, un peu forte. On va dire ça comme ça. Mais on dit une belle grosse, hein, on dit jamais une belle maigre. Mais oui. Ouais. Mais oui, on dit une belle grosse, mais jamais une belle maigre. Et c'est vrai d'ailleurs. Hein, mais oui. Quel beau compliment quand même qu'il a réussi à faire. Mais oui, j'y penserai la prochaine fois que je vois une fille un peu, tu vois, bien en charge, dire, tu sais, on dit une belle grosse, jamais une belle maigre. C'est ça. Bon, sinon, il y en a un qui a oublié que ça passait à la télé. Hein. C'est clair que, niveau de l'odeur, je préfère quand même mon métier. Ça. Moi, je reste dans la même gamme. tu restes dans le merdier. Tout c'est quoi ta maison de retraite? Je viens pas. Ah, donc je suis sûr que les pensionnaires de la maison de retraite auront été ravis d'apprendre qu'il pue la merde. Eh bien. Bon, maintenant on va voir qu'un mec, ça se fait vite des idées. Alors Michel est un des prétendants de Mireille. Tu es amoureux de Mireille? Oui. Bon. Et elle, est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Est-ce qu'elle est amoureuse de toi? Je pense, oui. Et c'est là le problème. Eh oui, oui, donc Michel, il est sûr, hein, l'affaire est faite, il n'y a pas de problème. Et donc c'est lui qui va rester avec Mireille, mais bon, comment dire... Elle en pense quoi, justement, là, Mireille, là? Comment ça se passe avec Mireille? À l'heure actuelle, je ne pense pas que je saurais faire ma vie avec Michel. Je lui ai aidé de toute façon. Eh oui! Ah bah écoute, au moins, c'est clair. C'est énorme, c'est que la meuf, elle lui a dit, mais l'autre, oui, je pense que ça va aller. Mais oui, mais c'est ça le souci avec les mecs, là, ils s'emballent trop vite, et puis malheureusement, bah, Michel ne reviendra plus puisque Mireille l'a viré d'émission. Ah non, de Dieu, oui, j'aime bien son. Ah non, de Dieu. Ah bah oui, mais toi, t'aimes bien peut-être, mais elle, en l'occurrence, c'était pas le cas, et c'est bien dommage, hein, maintenant, ouais. C'est vraiment con ça. Hein. Il est parti, la larme à l'œil, c'était, oui. C'était triste, c'était émouvant. C'était lui qui était le bourré le premier jour, non? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, bah 7h26 sur Fun Radio. Du courage. C'est ça. 7h26, bon réveil. Tout le monde, on est là jusqu'à 9h30 et je vous pose la petite question maintenant pour repartir avec Football Manager 2012. Facile, quel est le score hier de Genk face à Chelsea en Ligue des Champions? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez FM12 en un mot, espace avec la réponse, et nous vous rappelons, d'ici quelques minutes pour vous offrir Football Manager 2012, le jeu Sega qui marche sur PC. Si vous avez la bonne réponse, donc quel est le score final de Genk Chelsea hier soir en Ligue des Champions? 63-22, code FM12 avec la réponse. Bonne chance tout le monde. Et côté musique, eh ben on s'écoute le son de DJ Antoine maintenant avec Tom Dice, je vous en avais parlé juste à l'instant. C'est Sunlight et juste après, l'info arrive évidemment. L'info avec Julie, ce sera dans un instant sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. C'est mercredi le 2 novembre, il est 7h27. DJ Antoine sur Fun Radio avec Tom Dice à l'instant, c'était Sunlight. Et attention, petite devinette qui colle. Gage d'amitié, sa valeur est sans importance. Coutume de civilité, il n'est que convenance. Si vous avez la bonne réponse, qui est-il? 63-22. En général, on s'en offre au niveau des anniversaires ou à Noël. Comme ça, vous savez. Je vous donne d'autres indices dans quelques instants. Il y a des écrans plats à gagner et des packs Nintendo Wii. Et on écoute dans un instant Kate de Luna avec Drop It Low. C'est juste après l'info de Julie. Maintenant, il est 7h30. Bonjour à tous. Les bourses européennes ont dégringolé hier suite à l'annonce du Premier ministre grec Georges Papandréou d'organiser un référendum sur le plan de sauvetage de la Grèce. Et la nuit dernière, le cabinet grec réuni en session extraordinaire a approuvé à l'unanimité ce projet de référendum. Coup de théâtre qui va bouleverser la donne au G20 qui doit avoir lieu à Cannes en France demain et vendredi. Le Premier ministre grec assistera d'urgence ce soir à Cannes à un mini sommet de crise réunissant les dirigeants allemands et français, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, les responsables de l'Union européenne et la directrice générale du FMI, Christine Lagarde. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont déclarés déterminés à faire appliquer le plan de sauvetage de la Grèce. Chez nous, les régions demandent une concertation entre les experts du Conseil supérieur des finances et les responsables régionaux en charge des pouvoirs locaux. Objectif, s'assurer que les discussions budgétaires soient menées sur base de données exactes et récentes. En ce compris celles relatives aux pouvoirs locaux, les ministres présidents concernés regrettent que le Conseil supérieur des finances ait toujours recours à des données statistiques obsolètes pour les pouvoirs locaux et s'attendent à ce que le formateur Elio Di Rupo invite le bureau à ajuster ses prévisions 2012. Nos centrales nucléaires ont besoin d'investissements. Electrabel a rendu son rapport final sur les stress tests effectués sur les 7 réacteurs nucléaires belges. Selon des sources proches du dossier, le rapport recommande des investissements importants. Les experts ont contrôlé les capacités de résistance des centrales nucléaires aux phénomènes naturels, mais aussi aux conséquences de l'activité humaine. Les investissements recommandés par le rapport seraient à réaliser principalement sur les 3 premiers réacteurs, Doule 1, Doule 2 et Tihange 1. Le fait de soumettre des centrales nucléaires à des stress tests a été décidé au niveau européen dans la foulée du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé en mars dernier le Japon et causé d'importants dégâts à la centrale de Fukushima. Bonne nouvelle, Bruxelles consomme moins d'énergie. En 2009, la consommation énergétique de la région de Bruxelles-Capitale était en baisse de 3,3% par rapport à 2008. C'est ce que révèle le bilan énergétique de la région de Bruxelles-Capitale publié par Bruxelles Environnement. Ce bilan analyse la consommation énergétique de la ville entière, ses habitants, ses véhicules, ses bâtiments, etc. Et puis enfin, en sport football, en quatrième journée de la Ligue des Champions, belle performance pour le club belge. Je donne pas la réponse. Genk a réussi à arracher à Chelsea un score d'un but partout. On retiendra également que le Milan AC a fait match nul avec Bate Borisov 1-1. Match nul également pour Arsenal et Marseille 0-0. Le FC Barcelone a battu Victoria 4-0 et le FC Valence a battu 3-0 Bayer Leverkusen. Il est 7h33 sur Fun Radio. Kate de Luna arrive dans un instant et la météo de suite. Après une matinée encore grise mais généralement sèche, les nuages se dissiperont et le soleil s'imposera. Le mercure grimpe de 15 à 19 degrés. On en profite parce que demain, c'est déjà le retour d'une nouvelle perturbation. Ouais, donc profitez-en bien, effectivement. Oui. Nous allons maintenant parler de cette info en plus, justement. Quelle est l'info en plus ? L'info en plus, c'est qu'il faut se protéger absolument sur Facebook. La semaine dernière, Facebook dévoilait 2 nouvelles applications censées augmenter la sécurité de ses utilisateurs. Et à cette occasion, le réseau social avait édité une infographie assez complète contenant un chiffre qui était passé inaperçu jusqu'à maintenant. Eh bien en fait, 0,06% de plus d'un milliard de connexions réalisées chaque jour sur Facebook sont compromises. En clair, en fait, plus de 600 000 tentatives de hacking de comptes chaque jour sur Facebook. Ah oui, ah ouais. Quand même, c'est donc pas c'est, mal. Ouais. Voilà, si tu comptes 0,06% de plus d'un milliard, bon, ça ne te dit pas grand-chose, mais quand tu réalises que plus de 600 000 tentatives de hacking par jour il y a sur Facebook, ça fait quand même un petit peu peur. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a, surtout que vous avez vos informations personnelles. Non, mais ceux qui ont des infos personnelles, un peu intimes, tout ça, voilà, ils peuvent. Bah, tu sais, il y en a qui mettent carrément leur adresse sur Facebook, leur numéro de téléphone, et qui acceptent un peu n'importe qui. J'ai mis mon numéro de téléphone. Mais on sait pourquoi, sauf mais on sait que personne ne t'appellera, donc c'est pas très grave. C'est ça. Donc il faut être super prudent. Vigilant, exactement. 7h35 sur Fun Radio, bon réveil. Mercredi aujourd'hui, le 2 novembre. Contrairement aux autres, nous sommes avec vous en direct ce matin. Et toute la semaine, toute cette semaine de Toussaint, et je vous rappelle la devinette qui colle que j'annonçais un peu rapidement avant l'info. Gage d'amitié, sa valeur est sans importance. Coutume de civilité, il n'est que convenance. Qui est-il ? Alors on dit qu'effectivement sa valeur n'a pas d'importance, c'est le geste qui compte certes, mais bon, en général c'est mieux quand ça vaut un peu quoi. Ah ouais, ouais. C'est mieux. En général, c'est ce qu'on offre aux anniversaires par exemple ou à Noël. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc qui est-il ? Si vous avez la bonne réponse, il y a justement cette chose qu'on vous offre, un écran plat en l'occurrence, un écran plat ou un pack Nintendo Wii, 6322 par SMS si vous avez la bonne réponse, c'est 1€ le message. Bonne chance. Et dans un instant, nous aurons Sébastien Loeb en direct de la gare des Guillemins à Liège pour un petit réveil à Belgique. Et en attendant, c'est Kate de Luna. Kate de Luna sur Fun Radio à l'instant avec Fatman Scoop, c'était Drop It Low, 7h39, bon réveil tout le monde. Dans un instant, on écoutera les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou. Et puis je vous annonce également la petite question pour ceux qui viennent de débarquer, on ne sait jamais, la petite question pour repartir avec le jeu Football Manager 2012. La petite question est la suivante, quel était le score final de Genk et Chelsea hier en Ligue des Champions? Si vous avez écouté un minimum l'info de Julie, je sais que rares sont ceux qui l'écoutent, mais sûr de ce genre de remarques. Si vous avez écouté un minimum l'info de Julie, surtout vers la fin, eh bien vous avez la réponse facile. Si pour ceux qui n'ont pas suivi hier, évidemment, quel est le score final de Genk Chelsea hier soir en Ligue des Champions? La bonne réponse vous permet de repartir avec le jeu Football Manager 2012, le jeu Sega qu'on vous offre toute la semaine sur PC. Voilà, et donc pour jouer, il faut envoyer la réponse au 6322. Vous mettez FM12 en début de message, tout simplement. Et puis, vous repartirez peut-être avec ça. Message qui est arrivé, coucou Mickaël, Julie Etoff, toutes les autres radios vous écoutent. Elles donnent toute la bonne réponse à l'énigme. Oui, c'est vrai, Mirko, t'as vu un peu. On est victime de notre succès. Que veux-tu qu'on te dise? Qu'est-ce qu'on est fort. N'est-ce pas? Bon, nous avons Love qui est avec nous maintenant en direct de la gare des Guillemins à Liège. Allô, allô. Allô, Mickaël. Bon, alors, en direct pour un petit Mickaël réveil la Belgique. Oui, c'est ça, en direct. Donc voilà, il y a blindé de monde. Ah, mais c'est la gare. C'est une gare, mais je m'attendais pas autant de monde en fait pendant une semaine de congé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui travaillent. Non, mais c'est congé pour. Du coup, c'est vrai qu'il y a du people. Donc on regarde bien. C'est congé pour les étudiants, mais pas pour tout le monde. Moi, en fait, je sors de. Il entend rien quand je lui parle ou comment ça se passe? Non, en fait, il est sourd. Ouais, je pense qu'il a de surdité. Non. Je vais faire le tour de la gare en courant et en criant, en réveillant la Belgique. Non, ne crie pas. Ne crie pas. Non, tu m'as compris quoi, en parlant fort. En fait, je suis obligé de hurler pour entendre quelque chose. Allez, vas-y. En parlant. Allez, c'est parti. Voilà, là il faut qu'il. Non, mais c'est son GSM, il dit pas rien. Tous les matins sur Fun Radio. Il a écrit. 6h09h30. Mika et la Belgique sur Fun Radio. Eh oui, malheureusement, ça coupote. Oui. Ça coupote. C'est pas mal ça, ça coupote. Bah, c'est parce que ça coupe et pas complètement. Allô. Oui, allô. Ouais, tu m'entends? Oui, on t'entend, on t'a très mal, mais on t'entend. Voilà. Alors, ça y est, t'as vu des idées. Les gens, ils rigolent de moi. Les gens rigolent de toi, oui, c'est normal. Habillé en lapin, je peux concevoir. Voilà, c'était le Mickaël Réveil la Belgique en direct de la gare des Guillemins à Liège. Donc, si vous avez vu l'homme en train de courir en lapin, eh bien, appelez. Oui, appelez des médecins d'urgence, hein. Ils viendront le chercher avec grand plaisir. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur lui-même. Je vous rappelle que si vous aussi vous voulez tenter un petit réveil à Belgique, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème. Si vous voulez réveiller des gens le matin, il n'y a pas de souci. Il y a des cadeaux à la clé, 30-44, débutez votre message par réveil. Dans un instant sur Fun Radio, les Maroon 5 arrivent avec Christina Aguilera. Ce sera Moves Like Jagger. Ça va arriver dans un instant, ainsi que la ligne anti-relou sur Fun Radio. Bonne matinée. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h09h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Il est 7h47 sur Fun Radio, bon réveil. Et passons maintenant à la faute trafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Tout d'abord, prudence. Les automobilistes circulant sur la 8 Bruxelles en direction de Tournai risquent de rencontrer un conducteur fantôme à hauteur de Robeck. Ne pas dépasser et serrer à droite. Faut ensuite lui dire qu'Halloween, c'est fini. Ouais, c'est ça. Objet encombrant sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Wautier-Bren en direction de Mons. La bande de gauche est obstruée par un pare-choc. Et puis, accident sur le 411 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Torrambès-Saint-Tron. C'est donc bien en direction de Bruxelles. C'est la bande d'arrêt d'urgence qui est obstrué. Très bien, donc faites gaffe si vous êtes sur la route et si vous êtes témoin d'un problème, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Vous nous envoyez un petit SMS au 3044, 50 centimes le message, ou alors un mail et c'est gratuit. mikl@funradio.be. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et tous les matins, la ligne anti-relou évidemment est là, disponible pour vous, avec un seul numéro à retenir, le 0473 86 00 13, numéro qui peut vous sauver pardon, de tous les relous que vous pouvez croiser, que ce soit en boîte, que ce soit au boulot, que ce soit votre patron, que ce soit un flic, votre directeur, votre prof, bref, n'importe qui vous prendrait la tête. Donnez-lui le numéro de la ligne anti-relou pour vous en débarrasser. 0473 86 00 13. On va écouter le premier message. Est-ce que quelqu'un a pu être sauvé grâce à cette ligne anti-relou? Oui, allô, c'est Tricri. On s'était donné rendez-vous derrière la gare, mais je te vois pas, c'était 2 heures que j'attends. Ouais. Tu me donnes envie, tu sais. Oh là là. Ah, j'ai hâte de m'amuser. Oh là là. Allez, bisous. Ceci est un... Salut, c'est Cricri. Psychopathe. Oui, c'est un psychopathe, effectivement, qui avait un téléphone très bizarre, d'ailleurs. Salut, Cricri. Qu'il y avait. Oui, bon, deuxième message. Oui, bonjour, Jennifer. Je t'ai ajouté sur Facebook, je te trouve vraiment sublime. Donc, si tu veux faire ma connaissance, il n'y a pas de souci. Je vais te dire, t'avouer que je me masturbe régulièrement en regardant tes photos. Quelle chance. Tu es vraiment trop fréquente. Quelle chance! Ah oui, bah écoute, comment lui expliquer que ça n'excite pas les filles et qu'il faut arrêter ça tout de suite? Oui, moi aussi, ça m'excite. Oui, non, je suis bien sûr. Je sais que ça vous excite, vous, les mecs, mais nous, les filles, ça ne nous fait rien, ça nous fait même fuir, en fait. Tu m'étonnes. Bon, allez, dernier message pour ce matin. Pas pour Starcy. Angèle, c'est Fred. Je suis devant le Mino ici, la boîte échangiste. Il y a une demi-heure que je t'attends. Je suis sous. Il y a deux femmes terribles qui rentrent. J'espère que tu viendras. Comme car nous sommes à deux. C'est moins cher d'entrer. Allez, j'espère que tu vas venir, sinon je rentre. Bah oui, sinon je rentre. Bah oui, parce que tu sais, c'est pas parce qu'il attendait après elle, c'est juste parce que c'est moins cher, donc du coup c'est beaucoup plus pratique. On peut avoir une réduction, pourquoi cracher dessus? Bah évidemment, évidemment, évidemment. Bon, 7h50 sur Fun Radio, soyez les bienvenus si vous débarquez. C'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30, avec dans un instant Toff qui va essayer de vendre sa mère. Et oui. Maroon 5 qu'on écoute maintenant sur Fun. 7h53 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 avec le son à l'instant de Christina Aguilera avec Maroon 5 et Moves Like Jagger. Dans un instant, Tov avant de sa mère, mais avant cela, je vous rappelle la devinette qui colle. Pour repartir avec un écran plat, oui, un écran plat ou un pack Nintendo, oui, tout simplement. La réponse à envoyer au 6322, c'est 1€ le message, écoutez bien. Gage d'amitié, sa valeur est sans importance. Bon, bien qu'on préfère quand même quelque chose de cher. Hein. Coutume de civilité, il n'est que convenance. Qui est-il? En général, c'est ce qu'on offre à quelqu'un quand c'est son anniversaire, par exemple. Hein. En général, quand on est plus âgé, quand on est plus adolescent, en général, les amis se cotisent pour en faire un plus gros, plutôt que d'en offrir des petits morceaux à gauche à droite. Donc voilà, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas à envoyer ça par SMS au 6322. On vous en offre plein tous les matins sur Fun Radio. On vous offre par exemple Football Manager 2012, des écrans plats, on vous offre des packs Nintendo Wii, etc., etc. Voilà. Ça vaut de l'argent malgré tout. Si vous avez la bonne réponse, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on cherche? Gage d'amitié, sa valeur est sans importance. Coutume de civilité, il n'est que convenance. Qui est-il? 6322 pour envoyer vos bonnes réponses. Donc on va continuer à appeler des gens, Toff, puisque depuis tout à l'heure, tu essaies de refourguer ta mère. Ouais, c'est ça, parce que je viens de trouver en fait un site qui s'appelle ventamère.com. Ouais. Ils font une pub qu'on mettra tout à l'heure sur mikael.fm. Ouais. Mais donc en fait, en gros, le site, il dit besoin d'argent, pense à maman. Hein, et donc du coup, le principe, c'est que tu mets la photo de ta mère, tu mets un descriptif sur le site, genre ce qu'elle fait dans la vie, ce qu'elle aime, etc. Et puis non, mais c'est une connerie ce site. Oui, il y a des chances, mais bon, si je peux me faire un peu de thunes, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Bon, attends, C'est ça. On avait appelé à Mété tout à l'heure, on va appeler où maintenant là? Je sais pas. Ça te branche? Si tu veux, Serein, c'est bien. Serein. On appelle à Serein. Eh ben, ouais. C'est parti, Serein. On y va, on appelle à Serein maintenant. Allez hop là. Essayer de refourguer ta mère, c'est pas gagné. Proposer des fleurs pour la réponse à la devinette, c'est faux.

rapport final sur les stress tests effectués sur les 7 réacteurs nucléaires belges. Selon des sources proches du dossier, le rapport recommande des investissements importants. Et les experts ont contrôlé les capacités de résistance des centrales nucléaires aux phénomènes naturels, mais aussi aux conséquences de l'activité humaine. Les investissements recommandés par le rapport seraient à réaliser principalement sur les 3 premiers réacteurs, Doule 1, Doule 2 et Tihange 1. Le fait de soumettre les centrales nucléaires à des tests de résistance a été décidé au niveau européen dans la foulée du tremblement de terre et du tsunami qui ont frappé en mars dernier le Japon et causé d'importants dégâts à la centrale de Fukushima. Un couple a été violemment agressé à Montigny-le-Tilleul. Les propriétaires du restaurant L'Éveil des Sens ont été agressés vers minuit. Ils venaient de fermer leur établissement et rentrer chez eux lorsque les malfrats les ont surpris. Le propriétaire a été frappé et un coup de feu aurait été tiré. Les braqueurs repartis avec un sac à main et des clés de voiture n'ont pas été retrouvés. Et puis enfin, en sport football, en 4e journée de Ligue des Champions, belle performance de Genk qui a réussi à arracher à Chelsea un score d'un but partout. On retiendra également que le Milan AC a fait un match nul avec Bate Borisov 1-1. Match nul également pour Arsenal et Marseille 0-0. Le FC Barcelone a battu Victoria 4-0 et le FC Valence a battu 3-0 Bayer Leverkusen. Et on vous rembourse vos factures sur Fun Radio dans un instant. On écoutera aussi le son de Mika, ce sera Elle me dit. Avant ça, 8h04, la météo. Après une matinée encore généralement grise, le soleil s'imposera. Le mercure grimpe de 15 à 19 degrés. On en profite avant le retour d'une nouvelle perturbation dès demain. Eh ben, profitez-en bien. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h04 sur Fun Radio, nous allons vous rembourser vos factures dans un instant pour se faire un jeu d'enfant juste après le son de Mika, c'est-à-dire dans à peu près 4-5 minutes grand max. On appellera chez vous quelqu'un qui s'est inscrit au 63-22 par SMS en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et si il ou elle répond Fun Radio ou Mickaël à la question qui paye les factures le matin, eh bien elle repartira avec le montant de la facture, tout simplement. 63-22 code facture, bonne chance tout le monde. L'info en plus, quelle est-elle? Alors les prix de l'immobilier à Paris sont juste hallucinants. Tu dois le savoir toi Mickaël, tu as vécu un petit peu à Paris. Je te confirme, c'est bien cher. C'est hors de prix. Mais là quand même, je suis tombée sur une annonce qui est juste à mourir de rire tellement c'est hallucinant. C'est donc dans le 9e arrondissement à Paris, donc dans un immeuble câblé, Digicode, Gardienne, aussi par escalier. Oh bah si c'est câblé alors. Ouais, écoute, voilà, c'est là ce que l'annonce, chauffage électrique, et puis il y a juste des WC communs. Eh bien, heureusement que les WC sont communs à la limite, parce qu'en fait, c'est quand même 3 mètres carrés de surface. Attends, mais c'est une très belle surface. 3 mètres carrés, c'est la surface de tes toilettes, Mickaël. Techniquement, je pense que tu peux te coucher dedans, mais c'est tout. Oui, voilà. Et oui, c'est vraiment ça. T'as juste un lit et limite tu mets un lit en hauteur et la cuisine en dessous, je ne sais pas. Mais... Un lit, une personne. Hein. Ah oui, non. Ah oui, non, non. Bien sûr. Ne nous emballons pas. Donc c'est 3 mètres carrés qui sont à vendre pour 29 000 euros. Une bagatelle. Donc pas grand chose. Mais donc, oui. Ce qui fait quand même près de 10 000 euros le mètre carré. Donc c'est hallucinant les prix à Paris parce qu'ils ont quand même encore connu, d'après des statistiques, un bond de 21,3% encore. Donc ça atteint des sommets. En général, le mètre carré est à vendre à 8 350 euros. Mais tu m'étonnes. C'est énorme. Et donc les notaires parisiens s'attendent quand même à une stagnation de la hausse des prix. On l'espère. Mais juste pour info, parce que je l'ai vécu, mais à un moment j'ai trouvé un appartement à Paris, c'était un 2 chambres avec salon. On a dû habiter à 4 dedans parce qu'il était à 1900 euros par mois. Et on n'était pas dans Paris, on était en extérieur de Paris. 1900 euros. C'est-à-dire qu'il y en avait 2 qui dormaient dans le salon qu'on avait coupé en 2. Et puis, bah, une chambre chacun. Mais c'est des trucs tout petits, quoi. Pas équipés, rien, etc. C'est juste hors de tarif. Donc, c'est clair que c'est super cher, ouais. Bon, et d'ailleurs, ça commence à venir un peu pareil aussi sur Bruxelles. Ça commence à devenir un petit peu compliqué de se loger. Mais bon. Bon, dans un instant, remboursement des factures. Bah, ça pourra peut-être vous aider à payer votre loyer. Tiens, qui sait. 63-22 code facture. Bonne chance. Et à 8h07 sur Fun, on écoute Mika maintenant, c'est Elle me dit, bon réveil. Elle me dit tous les matins. Fun Radio paye vos factures. 8h10 sur Fun Radio, on paye vos factures comme tous les matins évidemment, avec plein de messages qui sont arrivés au 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Comme là par exemple 100 euros pour la redevance télé, il y a également 70 euros pour l'assurance incendie, 89,90 euros pour une veste d'hiver, 66 euros pour l'Electrabel, 76 euros pour la taxe pour le ramassage des déchets, 47,70 euros pour achat de vin, merci, 100 euros pour congélation de sperme. Ah oui, ok. Mais pourquoi pas? Et on va rembourser combien là? Nous allons rembourser 60 euros. 60 euros, c'est parti, on y va, on appelle. Pardon, excusez-moi. Je t'en prie. Je rappelle que tout à l'heure ça avait décroché, mais malheureusement la personne ne savait pas quelle radio l'appelait. C'était donc... énorme. Bah oui, c'est la question. C'est quand même une question relativement bête. Hein? Surtout, oui. Si, je sais pas, moi, si tu t'inscris, ça me paraît tellement logique. Si tu sais pourquoi tu joues. Mais... Voilà, tu sais sur quelle radio tu t'inscris quand même. Ouais. Et elle savait même pas du tout la radio. Tu sais, Alzheimer de nos jours. Allô. Allô. Oui. Allô, bonjour. Qui paye les factures le matin? Fun Radio. Eh ben voilà. La réponse compliqué. Est quand même pas si compliquée. C'est toujours la même question tous les matins en plus. Bonjour, comment tu t'appelles? Oui, Sandrine. Sandrine, tu as quel âge? Dans quelle ville, Sandrine? Alors, 45 ans et j'habite à Sprimont. À Sprimont, d'accord, ok, très bien. Sandrine, sois la bienvenue. Tu voulais qu'on te rembourse une facture de 40... Non, j'ai oublié, 60 euros. De 60 euros. Oui. C'est pour payer quoi? Ma redevance eau. La redevance de l'eau, bah oui, il faut oui, bien. Parce que Sandrine veut être propre et se laver. Mais oui, mais elle a bien raison, Sandrine. Eh ben écoute, Sandrine, on va te rembourser cette facture sans problème. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Merci Fun Radio, merci Mickaël. Mais je t'en prie, Sandrine, avec grand plaisir. Je te fais des gros bisous et puis la bonne journée à Sprimont. Merci. Salut, à bientôt. T'es de quel signe, vous faites, Sandrine? Lyon. Eh ben on en parlera dans un instant avec l'horoscope de Loulou, tiens, reste là. Gros bisous, Sandrine, à bientôt. Oui, merci, au revoir. Salut, ciao. Et bougez pas. Dans un instant sur Fun Radio, c'est Niro avec Promises. Et si comme Sandrine, vous voulez qu'on vous appelle dans moins d'une heure pour le remboursement des factures, facile, hein, 6322. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Niro sur Fun Radio avec Promises à l'instant. Bienvenue tout le monde. Si vous débarquez, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Il est 8h18. The Wanted arrive avec Florida aussi. Ce sera avant 8h30. Avant de retrouver l'actu avec Julie, bien sûr. Et puis là, nous avons la réponse au jeu Football Manager 2012. Et qui est avec nous pour donner la réponse pour gagner au Football Manager? Nous avons Clotilde. Clotilde. Salut Clotilde. Salut. Comment vas-tu Clotilde? Ça va. Bon, bah tant mieux. Clotilde, t'es dans quelle ville? Je suis à Bruxelles. À Bruxelles, 104.7 pour écouter Fun à Bruxelles, parfait. Alors Clotilde, tu as la réponse. Quel était le score final de Genk Chelsea hier soir lors de la Ligue des Champions? C'est un but partout. Eh oui, un but partout. Ça te permet de repartir avec le jeu Football Manager 2012. Le jeu Sega sur PC. On va te filer ça sans problème, avec plaisir Clotilde. Gros bisous. Merci, bisous. Et reste au standard Clotilde, à bientôt. Au revoir, à bientôt, ciao. Merci. Et dans un instant, restez bien sur Fun aussi, puisque nous allons vous offrir aussi les écrans plats ou les packs Nintendo Wii. Et avec la petite devinette qui colle, que je vous rappelle vite fait, gage d'amitié, sa valeur est sans importance, coutume de civilité, il n'est que convenance. Bon, en général, on préfère quand ça coûte un peu plus d'argent, mais bon, on offre plein sur Fun Radio. En général, on s'en offre entre copains, entre petits amis, parents, etc. Quand c'est l'anniversaire ou Noël, à la limite, pourquoi pas, on s'en offre pas mal. On les met sous le sapin. Ah oui. Pour la Noël par exemple. Voilà, la bonne réponse au 63-22, bonne chance. Allez, l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Et l'horoscope maintenant, c'est avec notre ami Doudou, bien évidemment. Doudou, vous avez pas envie de faire l'amour et dans le pré? Ah bah si, avec plaisir. Non? Vous pouvez faire l'amour et dans le pré? Ah oui, moi j'aimerais bien faire ça. Ah, c'est vrai, vous aimez la vie à la ferme? Ah non, c'est pas vraiment la vie à la ferme qui m'attire. Ah bon, bah c'est quoi alors? Ah non, bah en fait c'est facile, c'est parce que comme ça j'aurai la matière première à porter demain. Je comprends pas. Bah c'est logique, enfin, si je veux sacrifier une poule, bah j'ai qu'à tendre la main, elle est là. Ah oui, d'accord, ok, évidemment. Bah c'est ma faute, c'est moi qui ai posé la question. Bon, Doudou, Bélier. Ah oui, bah alors ne rejetez pas sur vos collègues ou sur vos subalternes la faute de vos échecs. D'accord, les taureaux. Vous n'agissez pas toujours sainement. Écoutez vos amis. Les gémeaux. De nouveaux plans, pardon, ou des changements professionnels vous préoccupent. Mais ça ne sert à rien, il n'y a pas de raison. Les cancers, comme Julie. Rattrapez le retard afin que votre chef n'ait rien à redire. Oui, ce serait pas mal qu'elle soit un peu en avance. Ça va ou quoi? Les lions. Créez le cadre pour pouvoir profiter des étoiles de l'amour qui vous sont favorables en ce moment. Les vierges. Il y a des gens qui veulent détourner votre réussite à leur profit, faites attention. Les balances. Vous allez remarquer à quel point vos finances vont bien. Vous y avez travaillé d'AHP, et bien continuez à le faire. Les scorpions. La diplomatie et le tact sont vos points forts. Ne vous laissez pas persuader que vous êtes fou. Les sagittaires. Vous n'arriverez à rien en voulant tout faire seul. Et oui, ça arrive souvent. Hein. Les capricornes. Jouez vos atouts, gardez votre sang-froid et faites des exercices de concentration, ça va vous aider. Les verseaux. Ne vous relâchez pas et soyez plus disciplinés. Et pour finir, les poissons. Gardez votre calme et ne forcez rien. Très bien, merci Doudou, à dans une heure. Mais oui, je serai là. Et bonne sieste d'ici là. Ah oui, ça fait du bien. Et il y avait une réponse qui est arrivée par rapport à la devinette qui colle. On proposait une carte. Ah non, mais pas une carte. On envoie une carte pour un anniversaire, certes, mais on ne l'offre pas. Et on le met encore moins sur le sapin de Noël. Ce serait pas terrible en tout cas. Ce serait vraiment. Merci Julie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? De rien. Ah oui. Ah oui. Bravo. Bravo. Félicitons Julie. Hop, une plaque sur les fesses, ça c'est mérite. Allez, viens, que je te punisse. Attends, Mickaël, pour toutes les fois, t'as eh ben, donné. Bravo. La... Eh ben, bravo. Tu sais quoi, je te coupe de l'antenne. Voilà, je te coupe de l'antenne, tu n'as plus le droit de parler. On écoute The Wanted maintenant avec Glad You Came sur Fun. C'est mauvais, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Je sais pas quoi faire avec. Vous êtes une autre radio, vous cherchez une journaliste? Dites-moi, je vous fais un bon prix. Hein. Je vous paye pour que vous la preniez. Ouais, ça me paraît un bon deal, ça. Hein. Hein, c'est pour moi, c'est cadeau. Hein. The Wanted à l'instant sur Fun Radio avec Glad You Came. Bienvenue sur Fun Radio, il est 8h24 et nous allons dans quelques instants écouter le son de Flowrider avec Good Feeling. Il y aura aussi Licky Lee qui arrivera tout à l'heure avant 9h15, donc restez bien là. L'info de Julie va débarquer et nous avons la bonne réponse maintenant pour la devinette qui colle, hein, la bonne réponse qui a été donnée par Julie, bien évidemment, il y a quelques instants. Alors, attends, tout de suite, lui, une fois par semaine. Hop là, terminé, hein, nous allons. Ouais, une fois par semaine, il me donne la réponse de l'énigme. Ça m'arrive une fois, oui, c'est ça arrive, faux, même c'est au meilleur. Faux, mais qu'est-ce écoute, que c'est écoute, j'ai voulu aider les auditeurs, mais c'est comme c'est ça, faux. C'est mon grand cœur. Bon, quand tu parles des meilleurs, tu parles de qui? Bah, de moi. De moi et de moi-même. C'est ça. Bon, qui est avec nous pour la réponse à la devinette qui colle? Bonjour. C'est Joël. Bonjour, c'est Joël. Salut Joël, comment vas-tu, Joël? Ah ben je vais très bien. Et bravo à toute l'équipe, vous êtes d'enfer. Hein. Oh bah c'est gentil, c'est genre, bah sauf Julie, mais c'est ça tu nous l'as dit hors antenne, mais il faut le préciser. Bon alors attention, gage d'amitié, sa valeur est sans importance. Coutume de civilité, il n'est que convenance. Qui est-il? La bonne réponse. Je pense que c'est un cadeau. Et oui, c'est ce qu'on va d'ailleurs t'offrir, oui. Un cadeau, un écran plat ou les packs Nintendo Wii, que choisis-tu? Je vais choisir la pack Nintendo Wii, hein, parce que l'écran plat, je l'ai déjà. Donc, voilà. Le pack Nintendo Wii, il n'y a pas de problème. Est équipé. On va t'envoyer ça, Joël, il n'y a pas de problème. T'es dans quelle ville, au fait? Je suis à Gré-d'Oiseau. À Gré-d'Oiseau, et le pack Nintendo Wii arrive à Gré-d'Oiseau. Salut, salut, Joël. Super l'équipe, hein, bravo, bravo. Merci, Joël, à bientôt, Joël. Ciao. À bientôt. Bye bye. Bon, et nous allons remettre le couvert tout à l'heure aussi avec une nouvelle énigme. Mais avant cela, nous avons Ryan qui est avec nous. Ryan pour la déclaration express. Salut, Ryan. Salut. Comment ça va? Comme un mec qui sort de son lit. Tu as l'air de sortir du lit, Ryan. Hein, oh là là. Je n'en sens pas dans mon lit. Ah, tu es encore dedans. Eh ben, écoute, on est ravis encore avec l'odeur de la nuit et tout. C'est magnifique. On sent cette petite haleine nauséabonde d'ailleurs. Hein, enfin bon. Et puis ces crottes d'yeux là dans le coin des yeux là, c'est assez désagréable. Heureusement que c'est pas de la télé. Bon, alors Ryan, donc toi, tu nous appelles pour la déclaration express. On va donc appeler qui? Justine, d'accord, ok. Alors, Justine, donc, t'es déjà avec elle? Comment ça se passe? Non, en fait, justement, je suis pas avec elle, je veux pas être avec elle. Ah, tu veux pas? Mais elle croit que je veux être avec elle. Alors, que moi, je veux pas. D'accord, donc c'est une déclaration de points sur les i. C'est ça? C'est ça, mais je vais raccrocher au nez. Ah, bah bravo, très bien. Bon, bah écoute, bah bravo, tiens. Bravo, qu'est-ce qu'il y a le talent? Oh là voilà, là, on est vraiment entouré de grands professionnels. Je vous jure. De très grands mais professionnels. Oui. Bon, en tout cas, on va l'appeler justement sa copine là maintenant pour lui faire écouter cette déclaration de points sur les i, justement. Hein. Donc c'est parti, on l'appelle directement. On reprendra Ryan juste après. Bah, attends, parce que là, je viens d'appeler Ryan. Mais... Ah, bah très bien, parce qu'on a compris ce qu'il nous voulait, Ryan, donc il n'y a pas de souci. Eh ben, déclaration express, c'est parti dès qu'on a la fille. Comment ça s'appelle? C'est Ryan ou c'est la fille? C'est Ryan. Ah, Ryan, c'est bon, t'as raccroché au nez, c'est un idiot. Non, c'est pas moi qui ai raccroché au nez, c'est le standard qui est pourri. Ah, bah voilà, tiens, t'as vu Julie, hein, ce pauvre standard là. C'est marrant, c'est un peu comme toi, Mickaël, quand tu te trompes le bouton, t'as pas. Je me trompe pas son, de bouton, moi, c'est le truc qui marche pas, j'ai pas rien. Ouais, dis-le. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle ta copine. Comment elle s'appelle encore, Ryan, excuse-moi? Justine, très bien. Du coup, ça nous met en retard, ça. Ça nous met bien en retard, ça. Du coup, les infos de Julie vont démarrer avec une. Oh là là. Ah bah ouais. Avec du retard. Allez, c'est parti. Ah bah c'est un répondeur, génial. Le zéro. Bon bah dis-lui, Ryan, tu lui dis voilà, j'avais un truc à te dire, écoute, tout simplement. Voilà, allez hop, là c'est bon, c'est le numéro de téléphone là. Actuellement. Voilà. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Pour terminer, raccrochez ou appuyez sur le carré pour d'autres options. Merci de votre appel. Ouais, salut Justine, donc c'est Ryan. Je voulais juste te dire un truc, écoute s'il te plaît. Ça doit faire 4 mois qu'on se connaît. Aujourd'hui, faut que je t'avoue. Ça me fait chier que tu crois que je te kiffe et que de toi je suis fou. Si je dois concéder que 1000 fois ton rouge je l'ai maté.

On retiendra également que le Milan AC a fait match nul avec Bet Borisov 1-1. Match nul également pour Arsenal et Marseille 0-0. Le FC Barcelone a battu Victoria 4-0 et le FC Valence a battu 3-0 Bayer Leverkusen. Il y a Likili qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Ce sera I Follow Rivers. On aura aussi Julien Dorien. Mais avant cela, c'est la météo à 8h34. Après une matinée encore grise mais généralement sec, c'est le soleil qui va s'imposer aujourd'hui. Le mercure grimpe de 15 à 19 degrés. On en profite parce que demain, c'est déjà le retour d'une nouvelle perturbation. Ah, génial, tiens. Dans un instant également, donc comme je le disais, Likili, il y aura aussi en moins d'un quart d'heure la ligne anti-relou, bien évidemment. Et que se passe-t-il? Que se passe-t-il dans l'info en plus? Eh bien, l'info en plus parle d'un chiffre qui fait peur, 600 000. Mais d'où vient-il? Eh bien, la semaine dernière, Euro. Facebook... Ah non. 600 000, non, pas du tout. La semaine dernière, Facebook dévoilait deux nouvelles applications censées augmenter la sécurité de ses utilisateurs, parce qu'on parle beaucoup de Facebook, on met beaucoup de données, etc. Donc les gens se plaignent. Et donc à l'occasion de la publication de ces deux nouvelles applications, eh bien le réseau social avait édité une infographie assez complète contenant un chiffre qui était passé inaperçu jusqu'à maintenant. En fait, ils avaient indiqué que 0,06% du plus d'un milliard de connexions réalisées chaque jour sur Facebook sont compromises. Alors 0,06%, ça fait peur à personne. Non, mais en va. Fait, quand on analyse un peu les chiffres, ça fait quand même plus de 600 000 tentatives de hacking de comptes Facebook chaque jour. Ah oui, quand là, même. Là, quand même, ça éveille un ouais, petit là, peu. Ouais, ça commence à faire un peu beaucoup. Les consciences. Ouais, mais comme la plupart, c'est sur le compte d'Obama, Justin Bieber. Et tout ouais, tout ouais, ça. C'est vrai aussi, ouais. Oh, pas seulement. Pas seulement. Bon, on va pas les pirater ta page, Julie, quand même. Non, sauf si quelqu'un quoi a envie d'aller fouiller dans mes... J'ai eu ouï dire qu'il y avait quelques petites photos porno de Julie. Oui, hein. Bien sûr. Donc allez voir sur sa page si vous voulez n'importe les voir, quoi. On sait jamais. Ah, hein. Il y a peut-être de quoi faire. Hein. Elle a des photos, là, tout fallait. Ah oui, oui, bien merci, sûr. Merci, Tof. Bien sûr. Oh, attends, c'est pas mieux de... Ouais, bah non, c'était moins grave, moins grave chez moi. T'es choqué de ce que Tof dit, mais bah toi oui. T'es pas beaucoup mieux. Alors quoi. Que moi j'ai fait des périphrases, des métaphores. C'est ça, alors, c'est attends, ça. N'importe bon, quoi. 8h35 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. J'ai la devinette qui colle là pour repartir avec un écran plat, le dernier de ce matin. Écran plat ou pack Nintendo Wii. Si on la perd, on ne sait plus rien. Si on la retrouve, on redevient quelqu'un. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, c'est facile. Tout le monde là, il y en a qui, bah, quand on a une maladie, par exemple, on la perd justement, hein, malheureusement. Et puis après, il y en a aussi qui ont des trous. Voilà, ils peuvent en avoir. Ah merde, j'ai eu un trou de justement. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22 avec la réponse et un écran plat à gagner ou un pack Nintendo Wii. Si on la perd, on ne sait plus rien. Si on la retrouve, on redevient quelqu'un. Bonne chance. Dans un instant, Julien Dorien, le grand reporter des vannes dans la tribu tous les soirs entre 17h et 20h, fera son apparition tout à l'heure dans 3-4 minutes, juste après le son de Likili sur Fun Radio. I Follow Rivers, bonne matinée sur Fun Radio. Le son de Likili sur Fun Radio, c'était I Follow Rivers. Il est 8h40, bienvenue tout le monde. Et la petite devinette là maintenant, la petite question plutôt, petite question pour repartir avec Football Manager 2012, le nouveau jeu Sega qu'on vous file toute cette semaine sur PC. Eh bien, elle est simple, quelle est la place d'Anderlecht dans le classement? J'avais demandé le standard avant-hier. Quelle est la place d'Anderlecht dans le classement de la D1? Donc justement, à l'heure où je vous parle aujourd'hui en l'occurrence, 63-22, commencez par FM, votre message. FM12. Ensuite, vous mettez la réponse et vous repartirez peut-être avec le jeu Football Manager 2012 de Sega sur PC. Quelle est la place du classement quelle est la place d'Anderlecht dans le classement de la D1? Alors, je vous parle. Bonne chance, tout le monde. Et nous allons prendre Julien Dorien maintenant. Julien Dorien, qui est donc le reporter qui est chez Evan tous les soirs entre 17h et 20h dans la tribu. Je vous propose d'écouter ce qui s'est passé donc hier soir dans la tribu. L'info du jour, c'est l'histoire d'un Américain vivant dans une demeure luxueuse. Abandonnée depuis la crise des subprimes sans jamais l'avoir acheté. Alors l'homme n'est pas un squatter, cela est complètement légal grâce, écoutez bien, à une vieille loi texane. Alors évidemment, on a envoyé Julien Dorien, notre envoyé spécial. Vous êtes en direct de l'ambassade américaine à Bruxelles. Vous n'avez pas fait beaucoup de kilomètres, dites donc. Oui, vous l'avez bien résumé. L'homme vit légalement dans cette maison grâce à une loi qui stipule que vous pouvez vivre dans une demeure abandonnée qui ne vous appartient pas à condition que vous la mainteniez en état pendant 10 ans. J'aurais tellement aimé que cette loi soit valable pour ma femme. Verriez comme elle a besoin d'être tapée. Alors, vous ne le savez pas. Quel ce n'est con. Pas la seule loi bizarre qui existe. À Guerny, dans l'Illinois, il est interdit pour les femmes de plus de 100 kilos de faire du cheval en short. Donc, Karine va mettre un pantalon. À Mesquite aussi, par exemple, il est interdit aux enfants d'avoir des coupes de cheveux bizarres. Les Texans n'ont donc jamais vu un concert de Justin Bieber. Julien, qu'est-ce que vous faites là? J'ai l'impression que vous forcez un truc. Oui, bah, j'essaye de rentrer chez vous. Ah, ça y est, voilà. Eh ben, dites-moi, Evan, chez vous, il est interdit de faire le ménage depuis 5 ans ou quoi? Sortez d'ici tout de suite, Julien, je vous interdis d'être chez moi en plus, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ne vous inquiétez pas, je voulais squatter chez vous, mais je suis sûr que même la chatte de Loana est mieux entretenue que votre appart. Bon, ça va pas bien, Julien. Bon. Pour finir avec les lois américaines, savez-vous qu'il est illégal de traire la vache d'autrui? Non. Non, pas du tout. Donc, au Texas, on n'aurait pas le droit de toucher Noémie. Bon. Allez, c'est fini, je pense, pour aujourd'hui. Bon week-end, merci, Julien. De rien. Voilà, Julien, c'est con, ça. Julien Dorian qui reviendra évidemment dès ce soir à partir de 17h dans la tribu avec Evan et demain matin évidemment aux alentours de 9h-20 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Il y a Rihanna qui arrive dans un instant avec Calvin Harris, ce sera We Found Love. La nuit anti-relou, c'est juste après ça également. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es tapé la merde de Kyle hier. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 8h47, bon réveil tout le monde. Dans quelques instants, la ligne anti-relou, il y aura Rihanna avec Calvin Harris. Et maintenant, nous faisons un tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes? Prudence, accident sur le 19 Anvers en direction de Breda, donc des Pays-Bas à hauteur de Brecht. La bande de droite est obstruée au kilomètre 48.1. Très bien, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, bah, n'hésitez pas, hein, comme Julie en l'occurrence. Vous nous prévenez, vous nous envoyez un petit message au 3044 par SMS, c'est 50 centimes le message. Ou alors vous nous faites tout simplement un petit mail, et là c'est gratuit. Mickaël@funradio.be. Comme je le disais, Rihanna arrive dans un instant. Il y aura aussi Nadia Ali et bien sûr Toff qui va tenter de vendre sa mère. Mais avant cela, nous allons bien évidemment faire un tour du côté de la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. La ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio, ligne anti-relou qui vous a certainement à un moment ou un autre sauvé. Car oui, elle est là aussi pour vous débarrasser de tous les relous, que ce soit dans des boîtes, que ce soit en discothèque, des mecs qui viennent vous draguer, que ce soit votre patron, que ce soit, je ne sais pas, votre directeur, votre prof, un ami d'un ami qui est relou. Vous voulez vous en débarrasser, dites-lui, bah écoute, bah je te file mon numéro, j'ai pas le temps là, mais rappelle-moi si tu veux au 0473-86-0013, c'est mon numéro, bah écoute, tu m'appelles quelque part dans la journée. Hop là, le mec va se dire, ok, pas de problème, je l'appellerai plus tard, et au final, vous en êtes débarrassé, voilà. Ça a pu sauver des gens, comme par exemple, cette personne-là. Ouais, allô, Laurent. Bonjour, c'est Fab. Je t'appelle tout simplement parce qu'on était censé se voir ce matin à 9h et que là, ça fait précisément 1h17 que j'attends. Oui. Donc, c'est pas que je m'ennuie, mais c'est quand même un peu froid dehors. Ce serait gentil de quand même me rappeler. Hein. Tu as mon numéro, donc à tout à l'heure. Au revoir. Hey, je pense qu'il va attendre pendant encore un petit bout de temps, à mon avis, malheureusement. Probablement, oui. Très probablement même. Bon, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Attention, écoutez bien. Oui, allô, c'est Cacri. On s'était donné rendez-vous derrière la gare, mais je te vois pas, c'était 2 heures que j'attends. Ouais. Oh là, il fait peur celui-là. Tu me donnes envie, tu sais. Ah, j'ai envie de m'amuser. Ah oui. Allez, bisous. Ah oui, allez. C'est pas bisous. Possible, non, allez. Quoi. Allez, bisous. Ouais. Et enfin, le dernier message laissé sur la ligne anti-relou pour ce matin. Oui, bonjour, Jennifer. Je t'ai ajouté sur Facebook, je te trouve vraiment sublime. Si tu fais ma connaissance, il n'y a pas de souci. Et je te dis, t'avouer que je me masturbe régulièrement en regardant tes photos. Tu es vraiment trop craquante. Eh oui, tu es trop craquante. Ne pas dire voilà. Ça aux filles, arrêtez tout de suite ça, quoi. Vous le savez maintenant, la ligne anti-relou, c'est tous les matins, 7h. Attendez, 7h moins quart, 8h moins quart. Et 9h-4. Merci Julie d'avoir suivi. Après 3 mois, tu as enfin. Ça fait plaisir. C'est bien. Ouais, moi, je donne pas les réponses à l'antenne. Oui, bien sûr. Tu l'as à peu près fait 15 fois depuis qu'on a commencé le morning. C'est faux, mais tu ne le fais jamais. Il est 9h-10. On écoute Rihanna maintenant et Calvin Harris sur Fun Radio. Bonne matinée. Le son de Rihanna sur Fun Radio avec Calvin Harris. We found love tous les matins sur Fun Radio. On est en direct avec vous toutes et vous tous, évidemment, en direct à 8h54 ce matin. Et toujours avec la devinette qui colle pour repartir avec un écran plat. Écran plat ou pack Nintendo Wii. Écoutez bien, si on la perd, on ne sait plus rien. Si on la retrouve, on redevient quelqu'un. Qui est-elle? La bonne réponse au 63-22, écran plat à gagner, ou pack Nintendo Wii. Petit indice, donc en général on peut en avoir des trous, hein, quand on oublie quelque chose, on se dit merde, j'ai eu un trou de... Voilà, si vous avez la bonne réponse, et on peut la perdre, souvent d'ailleurs aussi, avec une maladie quand on est un peu plus vieux en règle générale, voilà, ça peut arriver. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde. Bon, ça y est, on va faire chier le monde, là, ça y est, c'est plié encore une fois. Bah oui, attends, c'est-à-dire que moi si je peux me faire un peu d'argent, donc tu vas essayer de vendre ta mère. Pourquoi pas? Tu vas essayer de vendre ta mère. C'est ça. Parce qu'en fait, ce matin, je suis tombé sur un site qui s'appelle vendtamère.com. D'accord. Hein, donc, on peut mettre des petites annonces, un peu comme sur eBay. Et donc, tu sais, après, t'as des notes si le produit a satisfait ou pas. Donc, c'est vachement bien foutu, quoi. Ouais. Bon, bah, écoute, on va essayer. On avait essayé Asra tout à l'heure. On avait essayé à Mété aussi. On va appeler à Hatt. Allons-y. Allez, on appelle à Hatt maintenant. C'est parti. Attends direction Hatt pour que Toff puisse tenter de vendre sa mère et de faire un peu d'argent pour la même occasion. Il y aura Nadia Ali aussi avec Pressure. Il y a une table avec Toff. Non, si, il était pas mal. Allô ? Oui, bonjour madame. Le site jevendtamère.com à l'appareil. C'est qui ? Vendtamère.com, madame, le site internet. Oui, mais ce n'est pas ça, monsieur. Mais je sais bien, madame. C'est normal, on vient juste d'ouvrir, en fait. Nous sommes un tout nouveau site. Oui, mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Merci beaucoup. Mais attendez, madame, je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'on fait. Mais je sais bien, monsieur, mais moi, je n'ai pas d'ordinateur et je n'ai pas tout ça. On est déjà plus âgé, on n'a pas besoin de tout ça. Ah, mais non, mais il n'y a pas besoin d'ordinateur, pas besoin de tout ça. En fait, je vous appelle pour vous vendre une mère, à un prix tout à fait exceptionnel, puisque aujourd'hui, c'est la grande promotion de lancement et nous vendons les mères à moitié prix. Mais non, monsieur, merci beaucoup, vous êtes bien gentil, merci bien. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir, madame. Et tu en restes là? Eh ben voilà, on en reste là, donc c'est dommage. Ouais, je suis très déçu. Bah oui, moi aussi, je suis assez déçu là. Ça s'est resté sur un échec là, alors que je pensais qu'on irait plus combattante. Ouais. Non, là j'étais mauvais. Non, c'est ce qu'on peut dire. Je suis déçu. Bon bah tant pis, on en reste là. On remettra le couvert dès demain évidemment. Jeudi on sera là évidemment à partir de 6h. Et là on est encore là pendant une demi-heure. Donc rassurez-vous, on remettra en jeu les factures d'ici quelques instants. Et puis bien sûr, je vous rappelle la petite question pour repartir aussi avec Football Manager 2012. Facile, quelle est la place d'Anderlecht des Mauves dans le classement de la D1 à l'heure actuelle? Si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous débutez le message par FM12 comme Football Manager 2012. FM12 ou 63-22, c'est 1€ le message. Et si vous avez la bonne réponse, quelle est la place d'Anderlecht dans le classement à l'heure actuelle en D1, vous repartirez peut-être avec le jeu Football Manager 2012, le jeu Sega sur PC. Bonne chance. Et on va s'écouter Nadia Ali en attendant les infos. C'est Pressure. Bonne matinée sur Fun Radio. Le son Nadia Ali à l'instant sur Fun Radio, c'était Pressure, 8h59. Bon réveil tout le monde. Dans quelques instants, il y a l'info qui va débarquer. On écoutera aussi le son d'Enrique Iglesias avec Pitbull et I Like How It Feels. Bonne nouvelle également, puisque Pitbull a annoncé sa venue au Starfloor qui aura lieu le 26 novembre à Paris-Bercy. Mais quelle nouvelle excellente! Mais plutôt, parce qu'il y aura du beau monde. Et on vous enverra d'ailleurs là-bas tout frais payé direction Paris-Bercy pour le Starfloor, l'énorme événement qui aura lieu donc à la fin du mois de novembre. Dans moins d'un mois, on aura l'occasion évidemment d'encore vous en reparler d'ici la journée ou d'ici dans les jours à venir, on va dire ça comme ça. 9h pile sur Fun Radio, dans un instant Enrique Iglesias, je vous le disais, avec Pitbull, I Like How It Feels, et l'info de Julie qui arrive dans 10 secondes. On vous rembourse vos factures aussi dans quelques instants, je vous expliquerai comment faire d'ici quelques minutes. C'est à 9h pile, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, le cabinet grec réuni en session extraordinaire la nuit dernière a approuvé le projet de référendum sur le plan de sauvetage annoncé par le Premier ministre Georges Papandréou. L'annonce surprise lundi soir de ce référendum qui a fait dévisser toutes les bourses a provoqué stupeur et indignation en Europe et dans le monde. Un non des électeurs grecs pouvant être un prélude à une faillite du pays qui menacerait la viabilité de la zone euro. Le Premier ministre grec assistera d'urgence ce soir en France à un mini sommet de crise réunissant les dirigeants allemands et français Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, les responsables de l'Union européenne et la directrice générale du FMI Christine Lagarde. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont déclarés déterminés à faire appliquer le plan de sauvetage de la Grèce. Un incendie criminel a détruit la nuit dernière la rédaction du journal satirique français Charlie Hebdo, qui publie aujourd'hui un numéro spécial après les élections en Tunisie. En outre, son site web a été hacké. L'incendie qui s'est déclenché aux alentours de 1h du matin n'a fait heureusement aucun blessé, mais tout est détruit. Le journal rebaptisé pour l'occasion Charia Hebdo aujourd'hui a décidé de faire de Mohamed le rédacteur en chef de son numéro spécial afin de fêter la victoire du parti islamiste Ennahda en Tunisie. Et cette édition spéciale serait en cause. La direction du journal elle avait reçu des menaces et la police judiciaire de Paris a été saisie de l'enquête. Chez nous, les négociateurs reprennent les discussions sur le budget à 13h et les régions demandent une concertation entre les experts du Conseil supérieur des finances et les responsables régionaux en charge des pouvoirs locaux. Objectif, s'assurer que les discussions budgétaires soient menées sur base de données exactes et récentes. Les ministres présidents concernés regrettent que le Conseil supérieur ait toujours recours à des données statistiques obsolètes pour les pouvoirs locaux et s'attendent à ce que le formateur Élodie Roupo invite le bureau à ajuster ses prévisions 2012. Nos centrales nucléaires ont besoin d'investissements. Electrabel a rendu son rapport final sur les stress tests effectués sur les 7 réacteurs nucléaires belges. Selon des sources proches du dossier, le rapport recommande des investissements importants. Les experts ont contrôlé les capacités de résistance des centrales nucléaires aux phénomènes naturels, mais aussi aux conséquences de l'activité humaine. Les investissements recommandés par le rapport seraient à réaliser principalement sur les 3 premiers réacteurs, Doel 1, Doel 2 et Tihange. Et puis enfin en sport, football, en 4e journée de Ligue des Champions, belle performance de Genk qui a réussi à arracher à Chelsea un score d'un but partout. On retiendra également que le Milan AC a fait match nul avec Bate Borisov 1-1. Match nul également pour Arsenal et Marseille 0-0. Le FC Barcelone a battu Victoria 4-0 et le FC Valence a battu 3-0 Bayer Leverkusen. Il est 9h03 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Enrique Iglesias avec Pitbull. Je vous expliquerai aussi dans un instant comment faire pour vous inscrire pour tenter de repartir avec un remboursement de votre facture. Et nous allons maintenant passer la météo. Tout va bien, le soleil s'imposera aujourd'hui. Pour l'instant. Pour aujourd'hui en tout cas, le mercure grimpe jusqu'à 19 degrés. Effectivement, demain, retour d'une nouvelle perturbation. Eh oui, donc profitez bien de cette journée. Elle risque d'être la dernière, en tout cas avec du soleil et une température comme celle-ci. 9h03 sur Fun Radio, restez bien là. Le remboursement des factures, c'est dans un instant. L'explication arrive dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Le remboursement des factures, c'est dans 5 minutes que ça va se passer sur Fun Radio à 9h10 précisément. Si vous avez envie d'être parmi ceux qui peuvent peut-être être tirés au sort, eh bien vous vous inscrivez 63-22, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et dans 5 minutes, eh bien c'est peut-être chez vous que nous allons appeler pour vous rembourser la facture que vous nous avez soumise, par exemple, soumise. 63-22, code facture, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance. Quelle est l'info en plus ? Alors l'info en plus, bon alors, c'est une surprise pour personne. Paris, c'est très cher. C'est donc cher. La capitale de la France. Pour s'offrir un bien là-bas, c'est hors de prix. Ah, je croyais que tu parlais de la ville qu'il y avait aux États-Unis. Ouais, non, écoute, pour ceux qui ne savent pas où est Paris, on ne sait jamais, tu sais. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai quand même trouvé une annonce qui est hallucinante. On sait que c'est cher, d'accord, mais c'était donc 3 mètres carrés à vendre. 3 mètres, hein, je ne me trompe pas, il était à vendre pour 29 000 euros. Ah ouais, vraiment conçu qui... Donc la petite annonce dit, voilà, c'est dans le 9e arrondissement, c'est au 6e étage, par escalier, avec une gardienne, etc. Les WC sont communs, donc ils sont à l'extérieur, bah, ça encore nous heureux, quand même. Hein. Hein, ça nous... Ouais, encore heureux. Les chiottes, la douche et la cuisine, c'est ouais, ça. Il ouais. y a quand même 2 euros de charge par mois. Hein. Ah quand même, hein. Donc voilà, parfait état, donc on peut l'acheter pour 29 000 euros. Donc à Paris, ça n'existe pas. N'arrête pas d'augmenter les prix là-bas, donc ça a encore augmenté de 21,3% cette année, avec un nouveau sommet de 8350 euros en moyenne le mètre carré. Donc il est un peu au-dessus du prix du marché sur le mètre carré quand même, hein, quand si même. On est à 8300. Oui, tout à fait. Un petit peu, ouais. C'est pour négocier, c'est en général, tu négocies toujours, c'est pour la marge. Les notaires parisiens s'attendent quand même à une stagnation de la hausse des prix, ça nous rassure. Eh bah, il serait temps, effectivement. La dernière fois qu'ils ont dit ça, ça a pris 15% l'année suivante. Ah, mais écoute, on ne sait jamais. Bon, 9h06. C'est bon pour toi, ça, t'offre. 9h06 sur Fun Radio, tous les matins, vous envoyez vos messages évidemment, on va écouter le son d'Enrique Iglesias avec Pitbull, I Like How It Feels. Et puis juste après Pitbull, eh ben je vous l'avais annoncé, on vous remboursera vos factures. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 9h10. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. Et on écoutera dans un instant Jay-Z avec Kanye West et Mr. Hudson. Ce sera Why I Love You sur Fun Radio. Il y aura l'horoscope de Doudou qui débarquera d'ici quelques instants. Et puis là, nous allons rembourser des factures. Des factures qui sont arrivées puisque vous vous êtes inscrits au 63-22, 100 euros pour le service public, 89,90 € pour une veste d'hiver, 103 euros pour la taxe poubelle, 120 euros pour Beliacom, 61,50 € pour la taxe de mise en circulation, 7000 euros pour la carte de crédit. Bah oui, mais enfin, il y a un moment, faut moins dépenser hein, maintenant les mecs. Hein. Ah et après vous trouvez dans la merde. Mais 7000 euros mais quoi, mais en shopping? Allô? Je sais pas. Allô? Oui. Bonjour, qui paye les factures le matin? Oui. Mais oui. évidemment bonne réponse. Par contre, il y a un boucan derrière toi, t'es où là? J'entends très très mal. Ouais, bah ça tombe bien nous aussi. Tu es où là? Je suis à Uccle, sur le trottoir. Ah, t'es sur le trottoir, c'est ça le problème. Bon, très bien. Comment tu t'appelles? Aurélie. Aurélie, très bien Aurélie, on va rembourser combien d'offres d'ailleurs à Aurélie? Nous allons rembourser 53 euros. 53 euros, c'est pour payer quoi Aurélie? C'est pour payer une séance à l'hôpital en fait. D'accord, ok, très bien. Eh ben écoute, pas de problème. On va te payer ça Aurélie, je te fais des gros bisous Aurélie, tu restes au standard, on t'explique comment ça marche dans un instant, d'accord? Merci beaucoup. Gros bisous journée. Aurélie, à bientôt, bonne journée à toi aussi. Et puis on va revenir nous dans un instant aussi avec le son de David Guetta évidemment qui va arriver. On aura l'horoscope de Doudou, on aura la réponse à Football Manager et la réponse également à la devinette qui colle. Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Cette chanson me terrorise parce qu'à chaque fois Julie est en train de chanter. Ça peut vraiment me perturber. 9h12 sur Fun Radio, bonne matinée. Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson maintenant. Why I Love You. Le son de Jay-Z à l'instant avec Mr. Hudson et Kanye West, c'était Why I Love You. David Guetta arrive dans un instant avec Usher. Ça sera Without You sur Fun Radio, il est 9h15. Dans quelques instants, ce sera évidemment l'horoscope avec l'ami Doudou. Mais avant cela, nous allons filer les places pour... Les places, pas du tout. Les jeux Sega sur PC, Football Manager 2012. La question était simple. Quelle est la place dans le classement d'Anderlecht, dans le classement de la D1, bien évidemment. À l'heure où je vous parle, nous allons accueillir maintenant quelqu'un qui est avec nous. Bonjour Adrien. Salut Adrien. Salut. Comment vas-tu? Bien et vous? Eh ben écoute, ça va plutôt bien Adrien, tranquille. Adrien, t'as quel âge? T'es dans quelle ville? 21 ans, j'habite à Salin, près de Dinan. D'accord, tout près de Dinan, très bien, 21 ans. Alors Adrien, t'as la réponse? L'Anderlecht, ils sont classés quantième dans le classement? Premier. Eh ben premier évidemment, il y avait plein de messages. Oui, on est premier, les meilleurs, c'est normal. Oui, ils sont bien lâchés, ouais. Attendez les mauves. On n'est même pas en milieu de saison. Hein. Ouais, rien n'est joué. Calmez-vous, on ne sait jamais. Je vous le souhaite, mais calmez-vous, on ne sait jamais. Bon, bah, en tout cas, Adrien. De quoi, Adrien? Ça arrivera, ça arrivera. De quoi? Vous soyez premier ou t'es pas pour Anderlecht, toi? Non, je suis premier. Ah, t'es pour Anderlecht, très bien. Bon, eh ben écoute, on va voir, on verra bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu seras peut-être, t'arriveras peut-être à mener Anderlecht champion en Champions League grâce à Football Manager 2012. Hein. Sait jamais. Avec plaisir. Ben voilà, je sais gars qu'on te file sur PC, Adrien, ça va arriver chez toi très rapidement. Salut, salut Adrien. Merci beaucoup, salut. Allez, à bientôt, ciao à toi. 9h16 sur Fun Radio, nous allons maintenant passer au moment que tout le monde attend, ou pas, l'horoscope. Fun Radio. L'horoscope. Eh oui, l'horoscope de Doudou, bien évidemment, comme chaque matin. Voilà, voilà. Doudou, tiens, vous avez un GSM, Doudou? Non, je communique à part les signaux de fumée. Non, c'est vrai? Évidemment que c'est pas vrai, enfin, c'est pas parce que je suis marabout que je suis arrière non plus. Non, mais je on sais peut pas moi. Je n'importe quoi. Je voulais savoir ce que vous aviez comme téléphone. Oui, oui, c'est ça, oui, essayez de vous rattraper. Mais non, mais qu'est-ce que vous êtes susceptible? C'est comme surréaliste. Non, je suis pas susceptible. Allez, si on fait vous êtes susceptible. Bon, voilà. Si je veux d'abord. Bon, les béliers. Bah d'accord, on fait pas l'horoscope. Si, allez, les béliers. Alors, les béliers, ne jetez pas sur vos collègues ou vos subalternes la faute de vos échecs. Les taureaux. Vous n'agissez pas toujours sainement, écoutez vos amis. Les gémeaux. De nouveaux plans ou changements professionnels vous préoccupe un peu, mais sans raison. Les cancers. Rattrapez le retard afin que votre chef n'ait rien à redire. Les lions. Créez le cadre pour pouvoir profiter des étoiles de l'amour qui vous sont favorables aujourd'hui. Les vierges. Il y a des gens qui veulent détourner votre réussite à leur propre fin. C'est chouette, chouette mal. Les balances. Vous allez remarquer à quel point vos finances vont bien. Vous y avez travaillé d'arrache-pied et continuez à le faire. Les scorpions. La diplomatie et le tact sont vos points forts. Ne vous laissez pas persuader que vous êtes fou. Les sagittaires. Vous n'arriverez à rien en voulant faire tout seul. Les capricornes. Jouez vos atouts, gardez votre sang-froid et faites des exercices de concentration, ça va vous aider. Les verseaux. Ne vous relâchez pas et soyez plus disciplinés. Et pour terminer, les poissons. Gardez votre calme et surtout faites comme moi, ne faussez en rien. Et ben voilà, merci Doudou. Ben je vous en prie. Bon ben bonne journée, bonne sieste. Hein. Ah oui, il était temps là, ben, je suis fatigué, ben, fatigué. J'imagine, on vous retrouve demain bien évidemment dès 6h du mat pour un nouvel horoscope de jeudi. Ce sera le 3 novembre demain évidemment. 9h18, bon réveil, la réponse à la devinette qui colle dans un instant. Et on écoute aussi les meilleurs moments de L'amour est dans le pré après David Guetta et Usher. David Guetta sur Fun Radio à l'instant, c'était Without You. Il y aura dans quelques instants Laurent Wery aussi avec Swift Kid and Dev. Ce sera Hey Hey Hey. Et à 9h21, nous allons maintenant écouter les meilleurs les meilleurs moments de cette belle et grande émission qu'est L'Amour est dans le Pré. Oui, d'habitude on le fait le mardi, mais bon évidemment là, hier c'était férié, donc évidemment on n'était pas là. Vous n'êtes pas sorti de votre lit, vous avez abandonné ici tout seul. Exactement. Et donc voilà, comme on n'était pas là hier, on n'a pas pu vous parler de L'Amour est dans le Pré. Encore un grand moment de télévision, plein de tendresse et de compliments. La preuve avec Christophe qui sait qui sait comment séduire une femme, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, justement aussi. Un peu forte, voilà. Mais on dit une belle grosse, hein, déjà une belle, belle maigre. Bah oui, on dit une belle grosse, jamais une belle maigre. Hein. Mais quel beau compliment. Oui. Mais oui, c'est mais tellement glamour, tellement sympathique. C'est ça. Bon, sinon, il y en a un qui a oublié que ça passait un peu à la télé, en fait. Hein. C'est clair que, au niveau de l'odeur, je préfère quand même mon métier. Ça, il n'y a pas photo. Moi, je reste dans la même gamme. Tu restes dans le merdier, tout ça. C'est quoi ta maison de retraite? Je viens pas. Hein, ouais, je suis sûr que les pensionnaires. Il est en train d'insulter. Enfin, oui. Ouais, les pensionnaires de la maison de retraite vont être ravis d'apprendre qu'ils puent la merde. Sachant qu'en plus, ils doivent être tous devant. C'est ça. Ah bon, non, c'est horrible. Maintenant, on va voir qu'un mec, ça se fait très très vite des idées. Michel est un des prétendants de Mireille. Écoutez. Tu es amoureux de Mireille? Oui. Bon. Et elle, est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Est-ce qu'elle est amoureuse de toi? Je pense, oui. Et c'est là le problème. Voilà, donc Michel, il est sur l'affaire, hein, il pense que l'affaire elle est faite, que c'est plié, etc. Évidemment, il pense que c'est lui qui va rester avec Mireille, mais ouais, elle en pense quoi, Mireille, dans cette affaire-là? À l'heure actuelle, je ne pense pas que je saurais faire ma vie avec Michel. Ah oui. Ah oui. Je lui ai dit de toute façon. Oui, c'est ça le sur Alice, hein. C'est qu'en plus, elle lui a dit. Et que ce Mongolien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça. Tu es amoureux de Mireille? Oui. Bon. Et elle, est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Est-ce qu'elle est amoureuse de toi? Je pense, oui. Voilà. C'est là le problème. Eh oui, c'est là le problème, c'est là le problème. Mais quel est le problème en fait? C'est finalement, toi t'as des sentiments, mais elle n'en a pas du tout. Et lui, on l'a prévenu. Mais non, il comprend pas, il est toujours à côté du panneau, je comprends pas. Un avis peut-être? Ah nom de Dieu, oui, j'aime bien ça. Ah nom de Dieu. Ouais, moi, je pense qu'il est toujours aussi bourré que le premier jour où il l'a rencontré, et il est quand même arrivé bourré. Donc. Oui, je pense aussi, Enfin bref, les mecs s'emballent trop vite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? On peut rien faire, on ne peut rien faire. Problème. C'est comme ça. Enfin, bon, eh bien, on va s'écouter le son de Laurent Wery avec Swift Kid and Dev. Hey, hey, hey. Puis on va vous souhaiter une bonne journée également. On reviendra demain, évidemment, en pleine forme à partir de 6h du mat avec encore des écrans plats à vous faire gagner, encore les remboursements des factures, encore Football Manager 2012, qu'on vous offrira d'ailleurs ce soir aussi avec Vince dans la Libre Antenne. Donc soyez bien au rencard dès 20h pour la Libre Antenne. Et puis le programme de la journée, eh ben, c'est Walid qui arrive avec le self. Dans quelques instants, vous ferez la prog avec lui. Et vous allez pouvoir aussi écouter les meilleurs sons dance floor avec Jasmine tout à l'heure et le retour des vannes avec la tribu bien sûr à partir de 17h avec notamment Julien Dorien avec Monsieur Milan et Noémie. On va quand même avant de partir prendre le gagnant pour la devinette qui colle. Allô allô, bonjour, qui est là? Oui bonjour, c'est Florence. Oui Florence, bonjour Florence, comment ça va? Bonjour. Ça va bien, super, la nuit est belle. Tant mieux, le soleil est là, profites-en bien. Je te rappelle la petite devinette qui colle. Si on la perd, on ne sait plus rien. Si on la retrouve, on redevient quelqu'un. Qui est-elle? La mémoire. La mémoire. Quel âge as-tu, toi? 38. Ah, profites-en bien. Hein. Est-ce que tu vas la perdre? Ça commence à défaillir encore. Bah, c'est ça. Bon, écran plat ou pack Nintendo Wii pour toi, tu veux quoi? Ah ben l'écran, bien sûr. Eh ben l'écran, on va te l'envoyer, y a pas de problème. Gros bisous à toi. Oh là là, c'est quoi ce bordel derrière? Encore une machine à laver. Ben je ne sais pas, on l'entend plus, mais c'est pas grave, elle va rester au standard. Alors, hein, bonne journée à toi. Voilà, retour demain bien sûr de tous les cadeaux. Et puis à 9h25, donc on va vous laisser maintenant avec le son de Laurent Wery. La bonne journée à Toff, la bonne journée à Julie. Bonne journée. Très bien, bonjour à Chouchou. Ben avec plaisir. Voilà, très bien. Allez, bonne journée. Walid arrive dans un instant, ce sera le self sur Fun Radio. Bonne journée tout le monde, à demain 6h. Et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Profitez-en bien. Il vous manque déjà? Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. La grand-messe éclate déclarée. I love techno. Le samedi 12 novembre 2011, au Flanders Expo de Gans. Écoutez Fun Radio toute la semaine et gagnez vos places pour venir avec nous au plus grand festival électronique de Belgique. Dès que vous entendez le signal, envoyez Techno par SMS au 6322. 1 euro par message envoyé ou reçu. I Love Techno. Le samedi 12 novembre 2011 au Flanders Expo de Gand. Un événement Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor.